إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous dans le درس de la عقيده شرح العقيده الواسطيه باذن عز وجل. Quand tu fais la salat nafila, si tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais siyam, tu fais un jeûne comme ça nafila, c'est le lundi, le jeudi, c'est que tu veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait presque toute la nuit, des fois bien sûr, à prier, jusqu'à ce que le sang coulait de ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on lui disait, pourquoi tu fais tout cela alors que Allah Azza wa Jalla t'a pardonné, il disait, Afala akunu abdan shakura, je ne veux pas être quelqu'un qui yashkur Allah, quelqu'un qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'une des différences. On loue seulement avec la langue, la bouche, et on remercie avec le cœur, la bouche et les membres. Et deuxièmement, on loue, on loue Allah Azza wa Jalla dans le bonheur et le malheur. C'est quelque chose de bien, on dit Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. C'est malheur ou là, on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, dès que ça se passe quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on dit directement? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Il faut apprendre, mes frères et mes sœurs, barakallahu fikoum, il faut apprendre cette phrase, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Au moins, si quelqu'un ne la connaît pas en français, au moins qu'il dise son sens en français. Il dit, yani, alhamdulillah, que c'est lui, yani, qui a donné cette chose, yani, qui me plaît, ou là, ce bonheur, ou là. Pourquoi je dis pour apprendre cela? Pour être un vrai, yani, croyant, quelqu'un de pur, quelqu'un qui, dès qu'il a quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui le réjouit, directement, il dit, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est ni de moi, ni de mon travail, ni de mon argent, ni de ma force, ni de mon intelligence, ni de mes amis, ni de personne. C'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce qui vous arrive de ni'ma, qui vous réjouit, qui vous plaît, qui est du bien, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas comme disait Qarun, إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ. Qarun a dit, tout ce que vous voyez ici devant vous, les biens et la mu'mine, ils sont toujours entre deux ailes. إِنَّ ni'ma يَشْكُرْ اللَّهَ عَلِيَا. Ou bien c'est un bonheur, c'est un bien, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est un malheur, etc., il doit patienter. Tu es toujours entre les deux, il n'y a pas de milieu. Ou bien c'est là, tu es toujours heureux, ou bien il y a quelque chose qui te rend malheureux, qui te donne l'angoisse, etc. À chaque fois que c'est quelque chose qui te plaît, qui te réjouit, directement tu dis Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Et si c'est quelque chose qui ne te plaît pas, qui te fait mal, qui t'angoisse, Alhamdulillah ala kulli hal. Yani, malgré cela, je dis Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pourquoi je dis ala kulli hal? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit, Ajaban li amrin mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Il a dit, c'est étonnant, yani, ce qui arrive aux croyants. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Yani, tout ce qui lui arrive, c'est du bien. Wa la yakunu dhalika illa lil mu'min. Et cela n'est que seulement que pour le croyant. Il a dit, pourquoi? Comment ça se passe? Il a dit, in asabathu sarra'un shakara fa kana khayran lah. Il a dit, si ça lui arrive quelque chose qui lui plaît, qui le réjouit, yashkur, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est quelque chose de bien. Wa in asabathu darra, et si ça lui arrive quelque chose de mal, ou là, un malheur, ou là, un accident, ou là, qu'est-ce qu'il dit? Sabar fa kana khayran lah. Il patiente et c'est toujours bien pour lui. Donc le croyant, c'est toujours bien pour lui. Si c'est quelque chose qui lui fait plaisir, Alhamdulillah, c'est bien pour lui. il remercie Allah Azza wa Jal. Si c'est quelque chose qui lui fait mal ou là, il patiente et c'est bien pour lui. Car la patience, j'ai dit, c'est un grand, grand, grand ajr, yawm al-qiyama. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, il a dit, ceux qui ont patienté le jour du jugement dernier, je leur donnerai, yani des récompenses comme ça, sans calcul. Toutes les autres choses, peut-être c'est avec le calcul. Combien tu as fait de prières, par exemple, 5 prières, tu as tant de hasana. 2 prières, tu as tant. Mais il a dit, ceux qui ont patienté en mon visage, bien sûr. Car pardon, l'âne aussi patiente. L'âne, tu le laisses du matin au soir, il est dans le pré, sous le soleil, il mange rien, il est patient. Il est là, patient, tu le vois. Donc, nous on veut quoi, la patience qui est, on veut avec cette patience, le visage de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, si c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, j'aurais fait des choses. Mais je patiente en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, le jour du jugement dernier, lorsqu'ils verront ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera, peut-être même qu'ils demanderont, qu'ils voudraient revenir pour qu'ils aient des problèmes, pour qu'ils patientent encore une fois, pour avoir toutes ces grandes, grandes récompenses. Ensuite, j'avais dit qu'il avait dit, Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil huda. On avait dit que le huda, c'était la science bénéfique. La science bénéfique. Et non pas la science, elle est maléfique. La science qui, des bombes atomiques, etc. Et j'avais dit aussi que, tous ceux des kofars et des autres, qui ici aident l'humanité, trouvent des solutions, trouvent des médicaments, etc. Tout cela, Allah Azza wa Jal, tellement il est juste qu'il va leur donner leur récompense ici. Puisque tout ce qu'ils ont fait, ce n'était pas en la cause d'Allah, donc Allah Azza wa Jal qui est juste, cela, au moins ils ont aidé l'humanité. Ils ont fait quelque chose pour l'humanité. Pasteur a fait quelque chose, autre a fait quelque chose, les grands savants. Donc, ils auront leur récompense ici, Allah Azza wa Jal ici leur ouvrira les portes des biens, les portes de l'argent, leur donnera de quoi construire des villas, des voitures, des enfants, etc. Mais bien sûr, lorsqu'ils le rencontreront, ils n'auront rien. Ma'ad asaf. Ensuite, on avait dit que, je crois qu'on est arrêté là. Naam. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Il a dit le huda, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ilm, c'est la science bénéfique. Wa dinil haqq, il a dit c'est l'amal salih. L'amal salih. Quand quelqu'un, Allah Azza wa Jal, lui joint, entre, il lui donne une science bénéfique et il lui donne des actions bénéfiques. Subhanallah, il lui a tout donné. Il te donne la science bénéfique, tu apprends le Coran, tu apprends la Sunna, tu apprends les hadiths, tu apprends le fiqh, tu apprends au sol. Ça donne déjà la première grande chose. La deuxième chose, les actions bénéfiques. Maintenant, ce que tu as appris, ça doit se traduire. Les gens doivent voir ce que tu as fait. Ça se traduit en quoi? En action que, yani, bénéfique que Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, quand il a juré dans le Coran, dans un verset, lorsqu'il a dit « Wal-asr, innal insan lafi khusr », il a juré que toutes les personnes, yani, sont perdants. Ensuite, il fait une exception, il a dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat », sauf ceux qui étaient croyants ou là sont devenus croyants, sauf ceux qui ont cru en moi bien sûr, en l'islam, ou amilou salihat. Et en plus, il faut qu'ils aient fait les bonnes actions. Car tu peux croire, tu dis shahadun la ilaha illallah, shahadun muhammadan rasulullah. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, tu insultes Allah, ensuite tu ris du prophète, ensuite tu dis des choses, yani des... C'est pour ça que beaucoup ne savent pas, ma'al asif, ne savent pas, que la foi a dit, c'est exactement comme les ablutions. Comme lorsqu'on fait les ablutions, si on rentre aux toilettes, on les annule, la même chose, quand tu dis « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », tu peux annuler « La ilaha Muhammadur Rasulullah » par des choses. Si tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala, tu as annulé. Tu es devenu « murtad », ça veut dire, dans la sharia islamia, « mustatab », on lui dit « Fais le repentir ou bien tu meurs. » Ou bien tu meurs, yani khlas. Toi, tu ne peux pas vivre, tu es devenu motad. Ça s'appelle l'apostasie. Il y a beaucoup de choses qui annulent la ilaha illallah, comme les ablutions sont annulées par les gaz et par l'urine et par autre chose. C'est la même chose. Quand quelqu'un dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ensuite, il prend le Coran, il le jette, par exemple, par terre. Celui-là, s'il l'a fait exprès, il a annulé la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Quand quelqu'un dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ensuite, il rit du prophète. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette barbe-là? C'est une barbe de chèvre. Et il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la barbe. Ça veut dire qu'il n'a pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il l'a annulé. Il faut qu'il refasse de nouveau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sauf bien sûr qu'il ne savait pas. Il dit, je ne savais pas que la barbe allait, le prophète alayhi wa sallam l'avait et il a dit qu'il fallait la laisser. Moi je croyais que c'est essentiellement comme ils disent eux, les frères musulmans qui ont la barbe. Peut-être celui-là il ne sait pas. Mais celui qui sait qu'elle est du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il rit, ou il plaisante, ou il stasie, ou il se moque comme on dit, celui-là directement il devient kafir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, il a dit ici, Wilha, Wayudhir Afan, je ne suis pas arrivé ici. Liyudhirahu al-dini kullih. Il a dit pour qu'il l'élève sur toutes les religions, pour qu'il l'élève. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah, a dit, on ne sait pas ce que veut dire Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il l'élève, hada al-apostrophe. Il parle de l'islam pour qu'il l'élève sur toutes les religions. Où il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il l'élève sur tous les autres, sur toutes les personnes. Il a dit dans les deux cas, on va dire dans les deux cas, dans les deux cas, s'il veut dire par là pour qu'il l'élève sur toutes les religions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui a reconnu que l'islam c'est telle la vraie religion, celui-là, ça veut dire qu'il a, alhamdoulilah, il tient la chose la plus sûre. Car, comme a dit Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَسِرِينَ. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, quiconque veut, de nos jours maintenant, après la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque veut autre religion que l'islam, il a dit, elle ne sera pas acceptée de lui, et le jour du jugement dernier, il sera des perdants. Pourquoi il y a des gens qui, même avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croient qu'ils peuvent choisir. Ou bien certains vont dire, moi je préfère rester chrétien. Je sais que Mohammed c'est un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais je préfère rester chrétien. Lui c'est pour les Arabes. On dit nous, non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toutes les créatures, pas seulement à tous les gens, aux djinns, aux ins, aux animaux, à tout le monde. Il a été envoyé. Et nous, on le suit, c'est pas parce que lui il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est parce qu'Allah azza wa jalla nous a dit de le suivre. Si Allah Azza wa Jal avait envoyé à la place de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé le dernier Isa, qu'ils appellent eux Jésus, on l'aurait suivi obligé. Et quiconque aurait dit, par exemple, que Isa, Jésus n'est pas le prophète, il serait devenu un kafir. Donc nous on suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas parce que lui, c'est parce que Allah Azza wa Jal nous a dit, il faut le suivre, c'est lui le dernier. Donc Allah Azza wa Jal, quand il a créé la terre, il a créé les hommes, etc., il a commencé à envoyer des prophètes. Un après un, il y a eu 124 000 prophètes. Et 315, bon, prophètes et messagers, c'est un prophète, messager, non, 124 000 prophètes et 315, et dans un autre hadith, 313 messagers qui ont des messages. Et 124 000 prophètes. À chaque fois que quelqu'un venait, il venait avec l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a ni statue, ni soleil, ni rien. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois adorer. Donc, Isa alayhi salam, Jésus Hada est venu avec l'islam. Moussa est venu avec l'islam. Parce que eux tous, ils ont dit, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a commencé à envoyer, ensuite il a envoyé le dernier. Parce que les gens, yani maintenant, ils sont assez mûrs. Autrefois, yani, ils n'avaient pas beaucoup de science, etc. Allah Azza wa Jal, à chaque fois, il faisait agrandir leur cerveau, etc., jusqu'à ce qu'il yani, soit assez mûr. Il a envoyé le dernier, il a dit celui-là, après lui, il n'y aura personne. Maintenant, quiconque va dire que celui-là n'est pas un prophète, ou bien c'est un prophète seulement pour les Arabes, celui-là, c'est un kafir, c'est un mécréant. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit? On dit, alhamdoulilah. Quelle est la différence, par exemple, entre nous et les juifs et les chrétiens et les autres? Quelle est la différence? Nous, on croit en leur prophète et eux, ils croient pas en notre prophète. Nous, on dit Isa, yani, qu'ils appellent Jésus, on dit Isa, alayhi salatu salam. Moussa, alayhi salatu salam. Eux, non. eux, tu leur dis Mohammed, il l'insulte. Le juif, tu lui dis Mohammed, il l'insulte. Le chrétien, plus ou moins. Peut-être qu'il l'insulte, peut-être qu'il ne l'insulte pas. Mais nous, quiconque de nous, les musulmans, ne croit pas en la prophétie de Isa alayhi salam, ou bien ne croit pas en Moussa, ou bien ne croit pas à un des 124 000, un seul, il est devenu mécréant, il est kafir. Quiconque, il dit je crois en tous les prophètes, sauf en quelqu'un. Qui? Par exemple, Nuh ou la X. Khalas, il est devenu mécréant, il est devenu kafir. C'est pour ça qu'une fois, il y avait un petit débat entre un chrétien et un musulman. Un musulman, bien sûr, savant. Le chrétien lui a dit, il a dit au musulman, l'islam n'est pas juste. Alors l'autre, le musulman lui a dit, et pourquoi? Il lui a dit, regardez, vous en islam, le musulman peut se marier avec la chrétienne et la juive. Et nous, le juif ou bien le chrétien, on ne peut pas se marier avec la musulmane, avec vos filles. Donc c'est injuste. Pourquoi il vous a permis de vous marier avec nos filles et nous, on ne se marie pas avec nos filles, avec vos filles, pardon. Mais, comme le musulman, alhamdoulilah, avait du ilm, il l'a acculé. Il lui a donné une réponse, il n'a plus trouvé quoi dire. Il lui a dit, tu sais... Non, j'ai raté le début du cours. Malèche. Il lui a dit, tu sais pourquoi nous, on se marie avec vos filles et vous, vous ne vous mariez pas avec nos filles. Il lui a dit, parce que nous, quand on se marie avec vos filles, c'est-à-dire on se marie avec la chrétienne ou bien la juive, nous, on respecte son prophète. Quand elle dit, elle parle de Isa alayhi salam, on le respecte, c'est un prophète. L'autre, elle parle de Moussa, on le respecte. Mais nous, si on vous donne notre fille, dès qu'elle va dire Mohammed, vous allez l'insulter. Mohammed, c'est un gda, Mohammed, il aimait les femmes, Mohammed, il faisait ceci. Donc, alhamdoulilah, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal ne vous a pas donné nos filles. Ah, chef, vous savez, quand quelqu'un a du ilm, il trouve la réponse. Quand quelqu'un n'a pas de ilm, il ne trouve pas. Il dit, oh là, il a même des doutes. Il dit, Allah, peut-être Allah est injuste. Astaghfirullah, wa atubu ilayh. Et celui-là, il va donner la vraie réponse, la bonne. Nous, quand on prend vos filles, quand ta fille est chez moi, dans la maison, elle dit Isa, je lui dis sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit Moussa, je lui dis sallallahu alayhi wa sallam. Elle veut aller à l'église, qu'elle parte à l'église. Elle veut aller au synagogue, qu'elle parte au synagogue. Je lui dis pas, obligé, tu rentres en islam. La ikraha fid din. Je ne suis pas obligé de lui dire tu dois rentrer en islam. Mais vous, si vous prenez notre fille, dès qu'il y a une dispute, tu lui dis votre prophète, et tu commences à maudire, etc., etc. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, il a dit, donc quiconque rentre dans l'islam et le suit, c'est lui le plus élevé. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, li yudhirahu, pour l'élever. Donc quiconque rentre en islam, il devient quoi? Il devient, lui, le plus élevé. Comme a dit Allah Azza wa Jal quand il a dit à Moussa alayhi salam, quand il a eu le débat avec les kuffars, lorsqu'il a dit, ils sont venus pour le sihr, pour la sorcellerie, ils ont dit, lorsque Moussa alayhi salam a parlé au pharaon, etc., il a dit tout ça, c'est du sihr, c'est de la sorcellerie, je peux ramener aussi moi des gens qui font de la sorcellerie, etc. Lorsqu'il les a ramenés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les sorciers, ils ont dit, « Alou ya Moussa, imman tulqiya wa imman nakuna awala man alqa. » Écoute Moussa, ou bien c'est toi le premier qui jette, ou bien c'est nous qui jetons. « Ala bel alqo. » Il a dit, « Commencez-vous, jetez. »« Fa idha hibaluhum wa essayyum yukhayyalu ilayhi min sihri man atsa. » Donc, dès qu'il a jeté ceci, ils ont jeté leur corps, etc. Elles ont commencé à faire comme des serpents, comme ça, se rouler, se lever, etc. Fa'aujasa fi nafsihi khifat al-Moussa. Donc Moussa alayhi salam a eu peur. Est-ce qu'il a eu peur? De quoi il a eu peur? Il a eu peur que les gens qui voient cela vont croire. Ils vont dire donc, les sorciers ont raison. Il a eu peur de ça. Fa'aujasa fi nafsihi khifat al-Moussa. Qulna la takhaf. Là, je lui ai répondu, c'est ça ce qui a rapport avec le dars. La takhaf innaka anta al-a'la. La takhaf, c'est toi le plus élevé. Dès quelqu'un tient à ce que Allah a fait descendre, il est toujours le plus élevé. Il est toujours le plus élevé. Et ici, vous remarquez que quand ils ont dit à Moussa, alayhi salam, qui c'est qui jette le premier, toi ou bien nous? Il leur a dit, commencez, jetez-vous les premiers. Ça, j'ai lu une fois chez l'Islam, Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, fi kitabih minhaj sunnah. Il a dit, quand il y a un débat ou là, De préférence, c'est l'autre qui commence. On fait comme a fait Moussa alayhi salam. N'a pas jeté lui le premier. Quand il y a un débat ou là, quelqu'un te dit, tu commences ou je commence? Lui commence. Tu sais que tu as raison, tu vas le battre. Laisse lui d'abord lui le premier. Dis-lui commence. Pour qu'il commence, ensuite tu annules bi'idhnillah ta'ala ce qu'il a fait. La même chose lorsque Abdurrahman ibn Awf radiallahu ta'ala anhu a voulu choisir quelqu'un pour la khalifa, pour le khalifa, il a commencé par Ali, il lui a dit est-ce que tu acceptes? Ensuite il est parti au deuxième, au troisième, le dernier c'était qui? Il a dit à Uthman ibn Affan, est-ce que tu acceptes? Et il l'a donné à Uthman ibn Affan. Et quoi la chose qu'on aime, etc., on la laisse toujours la dernière. Comme a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, wa khitamuha misk. Regardez, par exemple, seulement vous, je vous donne un exemple très simple. On a des fruits. Par exemple, il y a un fruit, celui-là, qui est très sucré, le deuxième qui est moyen. Je vais manger les deux. Sûrement, je ne vais pas commencer par le plus sucré. Sinon, je termine par l'autre. Je vais avoir dans ma bouche quelque chose qui n'est pas sucré. Je commence par le moins sucré et je termine, inshallah ta'ala, par le plus sucré. Et le sucre, au moins, il reste dans ma bouche. On m'a dit l'azur, fitam ou un misque. Ici, ce qui a rapport avec l'akhor, c'est qu'on laisse toujours, quoi? On laisse toujours l'akhor le premier commencer. Et nous, inshallah ta'ala, nous sommes les derniers. Et comme ça, on annule ce... D'ailleurs, ça m'a rappelé aussi une chose. Rappelez-vous lorsque Youssef alayhi salam, il a voulu faire une petite ruse. La ruse permise. Il y a la ruse qui est permise, sharia, et il y a la ruse haram. On parle de la ruse permise. Il a voulu faire une ruse pour que ses frères lui apportent son frère le vrai, Benyamin, qui était là-bas chez son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses valets de cacher la chose elle, avec laquelle on mesure le blé, on met dans les sachets. Il y a quelque chose comme ça, comme un verre, un grand verre, comme une coupe, qui a une main, on la rentre dans le sachet, on la remplit d'orge par exemple, et on la met dans le grand sachet. Donc il a dit au valet, cachez cette chose. Yani, il a dit, cachez cette chose chez mon frère. Yani, son frère qui était là-bas, il a dit, cachez-la là-bas. Ensuite, ils ont dit, qui a volé le soua? Qui a volé la chose avec laquelle on mesure? Ils ont dit, personne, subhanallah, nous on n'est pas des voleurs. Il a dit, et si on l'a trouvé chez vous? Il a dit, si vous la trouvez chez nous, yani, c'est nous les fautifs, faites ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme c'est écrit dans le Coran, il a dit aux valets, commencez à chercher dans leur sac, dans leur... Attends, on voit, yani, si elle est là ou pas, s'ils ont volé ou pas. Qu'est-ce qui a rapport avec le dars? Qu'est-ce qu'a dit l'Azoul? Il a dit, تَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِهِ. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'ils ont commencé à chercher? Ils ne sont pas allés directement à celui de son frère. Comme ça, tout le monde va dire subhanallah. Donc, c'est vous qui l'aviez mis là. Non, il a commencé par les autres. Il a terminé par son frère. Il a ouvert. Il a dit subhanallah, elle est là. Donc, vous êtes des voleurs. Donc, on laisse toujours la chose, la surprise, on la laisse à la dernière chose. Ensuite, il a dit, hada, tout ça, si élevé, le L apostrophe revient sur l'islam. Maintenant, s'il revient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, qu'il veut le montrer sur toutes les autres personnes, cela est très clair, inshallah ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que quelqu'un ne soit pas un prophète, soit un menteur, ensuite qu'il vienne comme ça aux gens, yani, qu'il fasse la guerre, on lui a fait toutes sortes de guerres, toutes sortes. Guerre médiatique, guerre avec des cailloux, on l'a frappé, on lui a cassé une dent, on lui a fait, avec les lances, les batailles, et c'était toujours lui, le triomphant. Et donc c'est impossible que ce soit un menteur qui puisse rester comme ça. C'est impossible. Regardez Mousseïlim al-Kadhab, regardez l'Ansi, ils n'ont pas pu tenir beaucoup. Il y a quelques années, 2, 3, 4, 5, ensuite, classe, tout le monde a dit, celui-là, c'est pas un prophète, celui-là, c'est un Kadhab. Mais quand quelqu'un est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Azawajal qui l'aide. C'est l'Azawajal qui fait de sorte qu'il soit toujours réanné, invincible, qu'il soit toujours invincible. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que plus maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existe plus, ça, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il a dit, plus tu tiens maintenant sur le Coran, plus tu comprends le Coran, plus tu appliques ce qu'il a sur le Coran, là dans le Coran, plus tu deviens le plus élevé. plus, tu deviens le plus élevé, élevé, yani haut, de degré, élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas élevé, yani tu habites au cinquième étage, non. Tu peux habiter au sous-sol, sous la terre, et tu es le plus élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux habiter dans le dernier étage d'un gratte-ciel, et tu es le plus maudit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus tu connais le Coran, plus tu appliques le Coran, plus Allah Azza wa Jal t'élève et te rapproche de lui, subhanahu Azza wa Jal. Et plus quelqu'un aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même mort, lui, s'il est mort, sa sunna n'est pas morte. Les hadiths sont morts, ils ne mourront jamais. Ouvre Sahih al-Bukhari, il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est devant toi. Ouvre Sahih Muslim, il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est devant toi. Comment qu'il mangeait, comment qu'il dormait, comment qu'il faisait la prière, qu'est-ce qu'il disait, comment qu'il faisait les batailles, comment qu'il parlait, comment ceci, comment ceci. Tout ce qu'il a fait, quand il s'énervait, comment qu'il était, quand il riait, comment qu'il s'habillait. Plus tu aimes ces choses-là, tu voudrais faire comme lui, sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah Azza wa Jal t'aime. C'est pour ça que certains ont dit autrefois, ils ont dit on aime Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal fait vite descendre un verset comme test. Comme test. Il a dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dites, si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous dites, alors suivez-moi. Moi, c'est le prophète. Alors suivez-moi. Allah Azza wa Jal vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc, quiconque dit, moi j'aime Allah, on ne le croit pas. On lui dit, Allahu alam. Il dit, Wallahi, je l'aime. Je jure par Allah que je l'aime. On lui dit, Allahu alam, c'est toi qui le dis. Mais, laissons-nous voir. Comment, quelle est ta position envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car si vraiment tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit quiconque l'aime même doit suivre mon prophète. C'est ça le test. Allah Azza wa Jalla a laissé un signe. Tu vois ce signe, tu sais que cette personne, ce qu'elle dit est vrai ou bien c'est une menteuse cette personne. Car dire avec la bouche, c'est la chose la plus facile. J'achète un perroquet, je lui apprends. Dit j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, et ça il va pas s'arrêter 5 ou 6 heures. J'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah. Et pourtant, ce perroquet, il n'a rien dans la tête. C'est une phrase qu'il dit comme ça sans savoir ce qu'il dit. Mais, si vraiment on aime Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit alors suivez mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la preuve que quelqu'un aime Allah ou ne l'aime pas. Parce que lui il t'a dit si tu m'aimes, fais ceci. Donc si tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas faire cela. Ou bien si tu ne fais pas cela, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Donc c'est pas une question de parler, c'est une question d'appliquer. C'est une question d'appliquer. Regardez quand Allah Azza wa Jalla a dit « Inna a'atainaka al-kawthar, fa salli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al-absar. » Tout le monde connaît ce verset. Ou là, ces trois versets. « Inna a'atainaka al-kawthar, on t'a donné, yani, al-kawthar, vous savez, al-kawthar, c'est un grand lac que Allah Azza wa Jalla donnera au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, fassalli li rabbika wanhar, beaucoup de ulama ont dit, c'est la salade de l'Aïd, wanhar, et égorge, le jour de l'Aïd. Ensuite, il a dit, inna shani akahu al-abtar. Il a dit, et ton ennemi, hu al-abtar. Al-abtar, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'aura pas de progéniture, n'aura pas la suite. Parce que pourquoi ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas y a dit, de progéniture parce que Ibrahim est mort, donc il n'y aura pas la suite. Et il ne savait pas que la suite c'est qui? C'est des millions et des milliards de musulmans qui vont venir. Ibrahim est parti et nous, Inch'Allah Ta'ala, on le remplace. On est des millions et des milliards à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il a dit Inna shani akahu al-aftar, ça veut dire le coupé, hein, qui va se couper, qui ne va pas avoir de progéniture. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Majmou'a Fatawa, il a dit, plus tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu le suis, plus il y a entre lui et toi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a la continuité. Et plus tu veux couper, hein, là tu le détestes, là tu n'aimes pas quelque chose qu'il fait, etc., plus yani, cette personne est coupée. Regardez les gens qui ont passé leur vie, comme l'Albani, مثلا, alayhi rahmatullah, Ibn Baz, les grands ados, à essayer de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de montrer quelle est la sunna, comme Cheikh Al-Albani ala rahmatullah, 40 ans ou 50 ans spécialement dans le hadith. Au point où quelqu'un nous a raconté une fois, il nous a dit, quelqu'un, je ne sais pas, il est parti dans une île, j'ai oublié quelle île, dans les Amériques, je ne sais pas où, une petite île comme ça, sur la barque pour arriver à l'île. Il a dit, on a trouvé là-bas, c'est cette personne elle-même qui a raconté, elle a dit, on a trouvé là-bas, j'ai oublié, 200 ou les 2000, 200 bien 2000 personnes qui habitaient là-bas. Ils ont dit tous, ou bien la plupart, avec la barbe et le kamis, en pleine île. Leur femme avec le djilbab, etc. On m'a dit, subhanallah al-adim, comment ça vous est arrivé jusqu'ici? Ils ont dit, nous, on lit beaucoup les livres de Cheikh al-Albani. Subhanallah al-adim. Cheikh al-Albani, miskin, un vieux en Jordanie, dans une maison simple, une voiture très très simple. Quand il passe devant toi, tu ne le reconnais pas. D'ailleurs, il y a même quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, son voisin qui était juste à sa droite, entre lui peut-être 5 mètres ou 6 mètres, il restait, je crois, 4 ou 5 ans, il ne savait pas que c'était l'Albani qui habitait à sa gauche. Pourquoi tellement il est simple, il n'est pas connu, il n'est rien. Et pourtant, regardez qu'est-ce que ça doit être, son degré demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque 100 ans, chaque siècle, il envoie quelqu'un pour renouveler le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez qu'avant la venue de l'Albani, avant sa venue, personne n'a jamais pensé qu'il fallait trier les hadiths. Tous, ils se suffisaient à quoi? Ils te disaient, ce hadith a été, par exemple, rapporté par Abu Daoud. Ça s'arrête là. Abu Daoud, mashallah, mais c'est plein de hadiths qui sont faibles. Il y a même des hadiths qui ne sont pas vrais. Tirmidhi, mashallah, mais c'est plein de hadiths qui sont faibles. Nasa'i, c'est plein de hadiths, et j'en passe. Lui, il est venu, il a trié les hadiths. Sahih Tirmidhi, Daif Tirmidhi. Sahih Abu Daoud, Daif Abu Daoud. Sahih Nasa'i, Daif Nasa'i. Et comme ça. Donc, il a été envoyé spécialement après lui, dès que l'Albani a commencé à faire ces choses-là. Maintenant, il n'y a plus personne qui parle, et il dit par exemple, ce hadith a été rapporté par Abu Daoud où il se tait. Parce qu'il sait que ça ne va pas être accepté, ça. Par Abu Daoud, mais est-ce que le hadith est vrai? Dis-moi si le hadith est vrai. Ce n'est pas intéressant que tu me dises le hadith, mais intéressant que tu me dises si le hadith est vrai. Si le hadith n'est pas vrai, donc tu ne m'as rien dit. Tu es en train de parler comme ça dans le vide. Dis-moi si le hadith est vrai d'abord. C'est pour ça que c'est très très important de connaître les hadiths qui ne sont pas vrais, les faibles, les forgés, les fabriqués, c'est très important de les connaître. C'est pour ça que l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, une fois il s'est assis avec son fils Abdullah, il lui a dit, je vais te rapporter 100 hadiths, essaye de les apprendre. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il lui a dit 100 hadiths. Quand il a terminé, il lui a dit, tu as retenu quelques-uns? Son fils a dit, je les ai retenus, inshallah, tous. Alors son père lui a dit, alors apprends que tous les 100 hadiths que je viens de donner sont des hadiths faibles, qui ne sont pas vrais. Pourquoi? Que tu saches que ces hadiths ne sont pas vrais, comme ça, quand tu parles aux gens, ou là quelqu'un te dit, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », tu sais, tu lui dis, « Non, pardon, ce hadith n'est pas vrai, ce hadith est faible, etc. » Sinon, si tu ne sais pas, maintenant, tout est mélangé chez toi. Tu vas marcher avec les hadiths faibles, et les hadiths qui sont forgés, les hadiths « Mkdoub » et la « Révi d'Alik ». Ensuite, il a dit, وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا سيدي الذي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ici il a dit je témoigne que il n'y a un dieu qu'on puisse adorer, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit adorer. Il a dit je témoigne, il a pas dit j'atteste, il a dit je témoigne. Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. Parce que quand tu témoignes, premièrement, tu dis avec la bouche, et deuxièmement, tu dis ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça, c'est la différence entre attester et témoigner. Tu peux attester seulement avec la langue. Et quand tu dis je témoigne, c'est pour ça que quand tu vas chez quelqu'un, par exemple, chez le juge ou là, tu témoignes de des choses que tu as vues, etc. sur une personne ou là contre une personne ou bien avec une personne. Il a dit أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Je vous ai dit beaucoup de fois, et je répète parce que c'est très important, qu'il ne faut pas que vous vous trompiez quand on vous dit qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, il ne faut pas que vous disiez la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a que Allah. Vous avez dit que ça c'était faux et que les dieux, il y en a beaucoup, beaucoup. Chaque chose qu'on adore, c'est un dieu. Certains adorent le soleil c'est leur dieu. Certains adorent la lune c'est leur dieu. Certains adorent un arbre spécialement, ils vont là-bas, ils font des doigts devant l'arbre, etc. Cet arbre est leur dieu. Certains adorent la femme pour certains, c'est leur dieu. Certains adorent le dinar, certains adorent le dollar, certains adorent l'euro, c'est leur dieu. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taïsa Abdul Dinar, Taïsa Abdul Qadifa, donc il a dit, Taïsa malheureux, Abdul Dinar, malheureux celui qui adore le dinar. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut adorer le dinar, donc le dinar est un dieu, pour certains. Mais ce qu'il faut dire, la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'on ne dit pas il n'y a pas de dieu que Allah, mais on dit il n'y a de dieu qui mérite l'adoration que Allah. Ça veut dire, je reconnais qu'il y a beaucoup de dieux ici, mais ils sont tous batal, ils sont tous faux, ils ne doivent pas être adorés. Ils doivent pas être adorés. Mais je n'adore que Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « Afara'aita man ittakhada ilahahu hawah » Allah Azza wa Jal est dans un autre verset, « Ara'aita » Allah Azza wa Jal a dit, « N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme Dieu ?» Ses passions, naam, il y a des gens qui, leur Dieu c'est leur passion. C'est quoi leur passion? Depuis qu'il se lève jusqu'à ce qu'il dort, il ne suit que ce que lui disent ses passions. Il veut manger, manger, boire, boire, il veut faire la zina, il veut boire le vin, il fait tout ce qu'il veut. Celui-là, quand il a adoré, il n'en a pas de... il a adoré qui? Le soleil, non, ses passions. Il a adoré ses passions. L'islam, pourquoi il est venu? L'islam est venu pour que tu mettes tes passions de côté. Tu les mettes de côté et tu dises, il y a le Coran et il y a la sunna. Il n'y a pas les passions. Il y a le Coran, il y a la sunna. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِنَّمْ يَسْتَجِبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset, s'ils ne te suivent pas, s'ils ne veulent pas te suivre, فَإِنَّمْ يَسْتَجِبُ لَكَ sache alors qu'ils sont en train de suivre leurs passions. Donc voilà, ou bien tu suis les passions, ou bien tu suis le livre, le Coran et la sunna. On ne peut pas joindre entre les deux. Les passions, c'est quoi les passions? C'est yani, tout ce qui se passe par la tête. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas la sunna. Les passions, c'est tu es libre, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu mets les passions de côté, tu as quoi? Tu as le Coran et la sunna. Maintenant, avant de faire une chose, il faut que je demande, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Celui qui n'a pas le Coran et la sunna, il a les passions. Il ne cherche pas le halal ou le haram. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Même il y a des gens qui font par exemple avec leur femme ce qu'ils veulent. Mais le croyant, il y a certaines choses, il demande, est-ce que cette chose-là, ça se fait ou là, ça se fait pas? Pourquoi? Je ne fais pas moi par passion. J'ai le Coran et la sunna. Sinon pourquoi alors je me dis musulman? À quoi ça sert de dire musulman? Musulman c'est soumission, je me suis soumis. Je me suis soumis à qui? À mes passions ou à Allah? À Allah, si c'est Allah donc, il faudrait que je connaisse son din. Je connaisse le Coran, je voudrais que je connaisse la sunna. Maintenant, si je suis ignorant, ce n'est pas grave. Que ignorant, ce n'est pas grave. Mais, demandez aux ulama si vous êtes des ignorants, si vous ne savez pas. L'Azul n'a pas dit, il faut que tu sois toi un alam et ça alam et nous allons tous être des ulama. Non, il faut le boucher, il faut le cordonnier, il faut le garagiste, il faut le chauffeur, il faut celui qui, comment on dit, Zebel en arabe, on dit Zebel en arabe littéraire, on dit Zebel, je ne sais pas comment on dit ça en français, celui qui, les ordures, il jette les ordures, etc. Il faut de tous pour faire un monde. Mais, je suis ignorant, mais moi je demande aux ulama. Et boueur, naam, moi je demande aux ulama. Moi quand j'ai une mouchkila, qu'est-ce que je fais? Je prends directement le téléphone. Allo, salam alaikum, Cheikh Al-Fouzan, barakallahu fik, j'ai un problème, est-ce que c'est halal ou haram? Allo, Cheikh Al-Sheikh, Salah Al-Sheikh, salam alaikum, est-ce que ceci, ça se fait ou ça se fait pas? Et voilà, on montre que quoi? Qu'on a un lien très très fort avec quoi? Avec les ulama. C'est pour ça que les takfiriyens, les khawarij, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que personne n'ait de lien avec les ulama. Ils veulent rompre avec les ulama. Ils se disent, ceux-là, Ben Baz et les autres, Wallah, ils ont du ilm, mais on ne les suit pas. Pourquoi on ne les suit pas? il ne disait pas la vérité. Il ne disait pas la vérité. Il vivait seulement avec le roi, etc. Il vivait de profiter, comme on dit. Ah, il ne disait pas la vérité. Et qui est-ce qui dit la vérité? Toi, tu dis la vérité, toi. Donc, ils veulent quoi? Ils veulent que nous, qu'il y ait une rupture entre nous et les ulama. S'il y a une rupture et tu ne fais plus confiance aux ulama, tu dis, Cheikh Ben Baz, yani, c'était quelqu'un qui était là avec le roi pour profiter, c'est-à-dire, donc c'est pas un alim, Cheikh Ben Othaymin aussi, c'est pas un alim, etc., etc. Donc, tous, ce ne sont pas des ulama. Donc, il n'y a pas de ulama, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, eux, tu vas les prendre pour ulama. Lui, qui est sorti de l'école, du cours préparatoire, il va commencer à dire, Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Il va t'ouvrir le livre, le Bukhari, et va t'expliquer directement, sans passer ni par l'école, ni par la fac, ni par ni par avoir côtoyé les grands ulama. Non, comme ça, directement. Hein. Directement, il commence. Allah a dit, le prophète a dit. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit, il n'y a pas de ulama. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittakhadou ru'usan juhalan, yani ils vont prendre de chaque groupe quelqu'un, ils vont dire voilà, toi c'est le alam, toi tu inshallah ta'ala, c'est toi qui nous montre comment on fait. C'est à peu près un peu comme au lieu de suivre maintenant ce que dit par exemple Cheikh Ibn Uthaymin ou la Cheikh Sidlan ou la Cheikh Fawzan ou les grands hadou al-Sheikh, qui je vais suivre Ben Laden. C'est Ben Laden maintenant, moi qui a lui un ingénieur en agriculture, c'est lui maintenant qui va me montrer le bien, qui va me dire ça c'est halal, c'est haram, et Fawzan et les autres, khalas, ce ne sont pas des ulama, ils connaissent pas le bien. Comme Cheikh Fawzan Miskin, c'est un pauvre, il ne connaît rien, Cheikh Fawzan. Où est-ce qu'il a lu le Coran, le pauvre? Alors on va suivre Ben Laden, c'est comme ça qu'ils font. Il te dit, il n'y a pas de ulama, quand tu te tranquille, tu dis, alhamdoulilah, il n'y a pas de ulama, il te dit, alors c'est moi le alam, hein. Il ne va pas te le dire comme ça, c'est moi l'alam, il va donner les fatwas. Qu'est-ce qu'il donne les fatwas? C'est le ulama. Donc, il s'est dit, je suis un alam. Donc, ishhadu an la ilaha illallah, c'est quoi? C'est seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. Je ne dis pas qu'il y a des dieux. Il y a des dieux, mais ils sont faux. Ils sont tous faux. Sauf Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Comme a dit Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a dit, وحده لا شريك له. Il ne suffit pas de faire comme les Asha'ira. Ils disent Allah Azza wa Jal, وحده لا شريك له. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Il y a un seul. C'est ça, وحده لا شريك له. C'est pas vrai. Ça, Allah Azza wa Jal est un seul, il n'est pas deux. Ça, vous ramenez un petit garçon de 5 ans, il va dire ça. Ramène un petit garçon de 5 ans, dis-lui Allah Azza wa Jal, il y en a deux. Tu dis, astaghfirullah, Allah, il y en a deux. Et il y en a un seul. Tout le monde sait ça. Et que ça veut dire Allah? Que ça veut dire la sharika lah? Ça veut dire qu'il est seul, yani, dans sa rububiyya, dans sa uluhiyya, dans ses noms et ses attributs. Voilà le mushkila que les autres ne veulent pas comprendre. Mushkila que les autres croient que tu dis seulement que Allah est un, khalas. Tu vas au paradis, Allah est un. Ensuite, à quoi ça sert de dire Allah est un? Ensuite, quand tu as des problèmes, tu vas chez la voyante. Et tu lui dis, j'ai des problèmes, je ne sais pas qui m'a pris ma chaîne d'or, je ne l'ai pas trouvé, regardons le verre, etc. Peut-être que tu vas me dire où est-ce qu'elle est. Alors tu sais que seul, Allah Azza wa Jal, lui seul connaît le ghaib. On va chez la voyante, on lui dit, ma fille va se marier, je ne sais pas si cette personne, si elle est bien ou elle n'est pas bien, là, dis-moi dans le verre. Ils vont chez qui? Chez le, Osman, comment ça s'appelle, allez? Leur dame soleil. Ils vont chez leur dame soleil, elle va leur dire ce qui va se passer. Si leur dame soleil connaissait, comme ils disent et ils prétendent qu'on sait ce qui allait se passer demain. Pourquoi elle, plusieurs fois, elle tombe malade? Et pourquoi elle, elle n'essaye pas de ne pas tomber malade, puisqu'elle sait que dans une semaine ou là, elle va tomber malade? Pourquoi il lui arrive mille problèmes, il lui arrive par jour? Pourquoi qu'elle n'évite pas ces problèmes, si elle connaissait vraiment? Et plus les gens sont dupes, les gens, bien sûr, ne connaissent pas leur dîme, ils vont chez ceux-là. Et vous savez que quiconque va chez une voyante, par exemple, ou même chez un homme. C'est pas obligé que ce soit une voyante. La voyante, ça s'applique même à l'homme. Yani, on dit voyant, on dit voyante, c'est la même chose. Vous savez que quiconque va à quelqu'un pour lui demander, yani, une chose comme ça, qu'il a fait quelque chose de très très grave. Quiconque va à quelqu'un pour lui demander, il a fait quelque chose de très grave. C'est pour ça que celui qui va, c'est le voyant Adam, il se divise en quatre groupes. celui qui va. Chez le voyant, il se divise en quatre groupes. Apprenez ça bien. Barakallahu fikum. Il part chez le voyant et il le croit en ce qu'il dit. Hein, il lui pose une question, il le croit. Celui-là, c'est un kafir. Il est devenu kafir, alas. Celui-là, s'il meurt, par exemple, lorsqu'il sort du voyant, il veut traverser pour revenir à la maison, il traverse la rue, un accident, il meurt. Il va aller en enfer, il ne va plus ressortir. Plus jamais ressortir. C'est un kafir. Pourquoi? Il est allé chez le voyant et il l'a cru. Le deuxième, il part chez le voyant, l'Ihtabirahu. Juste, pourquoi? Pour voir si c'est un voyant ou pas. Par exemple, on est dans une petite ville, il y a quelqu'un on est tous, par exemple, alhamdoulilah, pratiquants, croyants, ensuite il y a quelqu'un qui est nouveau, il va habiter avec nous, il est venu, ensuite on commence à dire que c'est un voyant, etc. Maintenant, on prend quelqu'un de alam, etc., on lui dit, voilà, tu vas demain chez le voyant, tu lui poses certaines questions, juste pour savoir, tu lui rends la réponse, pour savoir si c'est un voyant ou pas. Celui-là, c'est permis de le faire. Mais ce n'est pas toi ou la moi qui vais le faire. C'est quand c'est obligatoire. Comme je viens de donner un exemple. Mais dans un petit village, il y a quelqu'un qui vient. On veut savoir quel est son cas pour que si c'est un voyant ou là, on l'expulse. On va l'expulser de notre ville, etc. Donc ça, c'est le alim qui va lui poser des questions. Comme a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait avec quelqu'un qui s'appelle Ibn Sa'id. Il s'appelle aussi Ibn Sayyid. Et le hadith est dans le Bukhari. Il est allé plusieurs fois pour lui poser des questions. Car il s'est dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est dit, c'est peut-être celui-là, le Messie Dajjal. Le Messie Dajjal, l'antéchrist. J'ai peur que c'est lui. Il est allé deux fois, il lui a posé des questions. Donc, celui qui va chez le voyant, en ce sens, pour voir si c'est un voyant ou pas, pas pour le croire, celui-là, il n'a rien. Le premier, c'est un kafir. Le deuxième, il n'a rien. Ensuite, le troisième, c'est celui qui va chez le voyant pour lui prouver que c'est un menteur. Je vais chez le voyant. Et je fais avec lui un débat. Est-ce que demain je lui dis il va tomber la pluie? Par exemple, il me dit oui, elle va tomber. Je lui dis menteur. Allah Azza wa Jalla a dit qu'il y a un moment de salam ou l'abdel rebella. Menteur. Allah Azza wa Jalla a dit personne ne connaît ce qui va se passer. Allah Azza wa Jalla a dit sauf lui connaît cinq choses. Entre ces cinq choses, sauf lui descend la pluie, etc. Je fais un débat avec lui. Ça, c'est ou bien matloub, ou bien c'est conseillé, ou bien des fois c'est obligatoire. Des fois, c'est obligatoire d'aller chez cette personne pour lui faire un débat et montrer que c'est un menteur aux yeux de tous les gens. Mais bien sûr, qui fait celui-là, c'est pas n'importe qui, bien sûr. Il doit être un adam qui peut faire cela. Pourquoi? C'est pour ça que je donne toujours un conseil à mes frères et à mes sœurs de ne jamais faire de débat ou même de ne jamais parler quand tu ne connais pas la chose. Tu ne sais pas une chose, tais-toi, c'est mieux. Si tu te tais, tu as un ajr chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu parles sans connaissance, tu peux rentrer dans un péché grand. Comme a dit Allah Azza wa Jal, wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et que vous disiez sur moi des choses que vous ne connaissez pas. Il a dit, ça c'est les grands péchés. Car avant cela, il avait dit, shirk. Wa an tushriku billah ma lam yunzil bihi sultana. Wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamun. Donc c'est très grave de dire quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour ça que c'est grave quelqu'un qui connaît seulement quelques hadiths, ou là il veut faire des débats avec des gens, avec les tkfiriyins, avec des... Tu fais des débats. Ensuite, il va te donner des questions, tu ne vas pas répondre. Il va dire des choses, des ambiguïtés, des chouboulettes, tu ne sauras pas comment les détruire, comment les annuler. Ensuite, tous les gens, qu'est-ce qu'ils diront? Wallah, le tkfiri hada, il a du ilm. Donc, hada, le salafi hada, il est faux. Ce n'est pas vrai donc ce qu'il dit. Donc, les salafi hada, ce n'est pas quelque chose de juste. Donc les khawarij, ce sont ceux qui ont raison. Mais si tu te tais, c'est mieux. Comme ça, lui, il ne va pas parler, il ne va pas avoir raison sur toi. Mais quand est-ce que tu parles, quand tu sais que tu as du ilm, quand tu sais que tu as du ilm, tu peux toi lui demander, viens faire un débat. Bien qu'il y a des ulama qui n'ont pas le débat, comme Cheikh Ben Baz, Allah yahmou, plusieurs fois on lui dit, viens, on fait les débats. Les muftadis, ils lui disent, viens, on fait les débats. Il dit, non, je ne fais pas de débat. Pourquoi? Ce qu'il a dit aux gens, pourquoi il ne fait pas dire. Il a dit, quand je fais un débat avec celui-là, moi je suis très connu, etc. Donc je vais le faire connaître à travers le monde. Tout le monde va entendre de cette personne. Cette personne qui n'a aucune importance. Maintenant je vais faire un débat avec elle, elle va être très connue. Toutes les télévisions, toutes les chaînes vont montrer, etc. Il dit, non, moi je ne fais pas de débat avec les mouftadias. Ensuite, la quatrième personne. J'ai dit, il y a trois sortes. La quatrième personne qui va chez le voyant, c'est qui? C'est quelqu'un qui part chez lui pour lui demander des questions sans le croire. Sans le croire. Il va chez Saddam Soleil, il va chez Saddam Soleil, ensuite il lui pose des questions, il lui dit par exemple, est-ce que ma fille va avoir le bac? Par exemple, Saddam Soleil va lui dire, elle va avoir le bac, mais dans son cœur, elle va pas la croire. Dans son cœur, elle dit non, je la crois pas. Donc cette personne est allée chez la voyante, elle lui a posé la question, et elle n'a pas cru à ce qu'elle a dit. Hein. Celle-là, cette personne, 40 jours, Allah Azzawajal n'acceptera pas sa prière. 40 jours, elle va faire la prière sans que Allah Azzawajal accepte sa prière, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tellement c'est grave. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cru la voyante. Elle n'a pas cru. Si elle avait cru, elle serait devenue mécréante en instant même. Elle dit, elle n'a pas cru. Elle lui a dit, oui, ta fille va vers le bac. Et elle lui a dit, non Allah, c'est pas vrai, je te crois pas. Et pourtant, 40 jours, sa prière ne sera pas acceptée. Quand on dit 40 jours ne sera pas acceptée, ça veut dire elle doit faire la prière 40 jours et elle ne sera pas acceptée. C'est pas ça veut dire elle va dire Alhamdoulilah, j'ai un congé de 40 jours. Non, tu vas faire la prière 40 jours et tu n'as aucun ajr car elle ne sera pas acceptée. Car elle ne sera pas acceptée. Ça veut dire le jour du jugement dernier, l'ajr te dira, il te manque 40 jours de prière. Maintenant, je vais voir si je vais te faire rentrer en enfer ou là je vais te pardonner. Il te manque 40 jours de prière. Ensuite, il a dit, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abduhu wa rasuluhu. Pourquoi il a dit deux choses ici? Il a dit abduhu wa rasuluhu. Pour montrer que quoi? Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant tout, c'est abd. C'est un abd. Car, pourquoi il a dit Abd? Abd, c'est un esclave. Abdou wa Rasoulou et son prophète. Car, si tu dis pas Abdou, c'est pour te montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fin de compte, c'est une personne comme nous, qui est venue d'un père, Abdullah, et d'une mère qui s'appelle Halima, serviteur, Naam, et d'une mère qui s'appelle Halima. Pourquoi on dit ça? Parce que certaines sectes, mal-asaf, certaines sectes disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé de lumière, nour. Il a été créé de nour, de lumière. Et certains disent que, bien sûr par ignorance, que Allah azza wa jal n'a créé le monde que pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On leur dit là, vous êtes trompés deux fois. La première, quand vous avez dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été créé de lumière, noire. On lui dit c'est faux. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son père Abdullah qui s'est marié avec sa mère et qui ont donné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit Halima, pardon, peut-être j'ai dit Halima, je voulais dire Amina. Il est marié avec Amina et ils ont donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une deuxième preuve qu'il n'est pas noir, il n'est pas lumière. Car lui, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit dans un hadith sahih, il a dit, les anges ont été créés de lumière. L'esprit, le diable a été créé de feu. Et Benou Adam, et les personnes, nous, on a été créés de ce que, mimao sefalakum, de ce qu'il y a dans le Coran. Yani, on l'a qu'at khalqna l'insan, min soulatin min tain, ila akhi l'ayat. De ce qu'il y a dans le Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les créatures en trois. Il a dit, les anges créés de lumière, et les diables créés de feu, et nous créés de la terre, et ensuite de l'accouplement, etc. Donc, si le prophète alayhisselam aurait été créé de lumière, il aurait dit dans le hadith, les anges sont créés de lumière et moi. Il n'a pas dit moi, il a dit les anges seulement. Ensuite les diables de feu, ensuite nous tous, Benou Adam, et le prophète c'est un Benou Adam. Il a été créé comme nous. Le père et la mère se sont rencontrés, ils ont donné un enfant. Donc, ceux qui disent qu'il est créé de nour se trompent beaucoup et c'est une secte égarée. Tellement égarée que, ici par exemple, d'où je vous parle de ce pays même, il y a un endroit ici, pas très loin de moi, chaque jeudi, une des sectes égarées qui dit que le prophète Islam a été créé de lumière. Comme ça, peut-être, ça vous paraît simple de dire par exemple que le prophète est créé de lumière. C'est simple, qu'est-ce qui est grave? Vous allez voir ce qui est grave. Qu'est-ce qui est grave, premièrement? Et deuxièmement, c'est au contraire, si on l'aime, c'est parce que je l'aime tellement que j'ai dit c'est de la lumière. C'est pas vrai. Si tu l'aimais, tu aurais dit ce qu'il avait dit seulement. Tu n'aurais pas ajouté une lettre. Tu aurais dit ce qu'il avait dit seulement. Bref, ils se rencontrent ici une fois tous les jeudis ou là une fois tous les 15 jours. Ils disent que le prophète Aslam, c'est une lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient comme ça en groupe, bien sûr, 10, 20, 30, et les autres derrière, 100 ou 200, les grands hadous s'assoient devant, et ils laissent sur des divans comme ça, et ils laissent une place vide entre eux. Ils disent, cette place, c'est la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, inchallah, 10 minutes, préparez-vous, il va être avec nous. Ensuite, ils commencent à lire le Coran avec le microphone, etc. Ensuite, ils disent, attention, silence, salas. Il va rentrer, silence. Ils se taisent tous, ou là ils lèvent les mains, ou là ils font des doigts, je ne sais pas quoi. Ensuite, ceux qui étaient les grands chefs, qui étaient assis sur les divans, se lèvent, ils font la chaîne un par un, et ils vont vers l'endroit où ils ont laissé la place, et ils vont commencer à tendre leurs mains, comme quoi ils l'attendent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est là avec eux, et ils commencent tous à lui serrer la main un par un, un par un, un par un. Ensuite, ils s'assoient, et ils commencent à lire le Coran, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après eux, il est assis avec eux. Pourquoi cela? À cause de la bid'a khabitha, de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière. Si on avait dit c'est un corps, khlas, où est le corps? On ne le voit pas. Les gens auraient dit où est le corps? Il n'y a pas de corps, vous êtes des menteurs. Mais comme c'est une lumière, donc tu ne peux pas dire qu'il n'est pas là. Peut-être tu vas devenir mécréant, tu vas dire il n'est pas là. Tu te tais et tu dis il était là, il était avec nous, c'est une lumière. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez comment font les bid'a. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il y a un hadith sahih qui dit que Allah Azza wa Jal a mis une barrière, un voile entre lui et les Mubtadi'a. Jusqu'à ce qu'il ne pardonne pas, il n'accepte pas le repentir jusqu'à ce qu'il laisse leur bid'a. Tellement la bid'a est grave. C'est pour ça que les ulama, quand ils ont divisé les péchés, il y en a trois ou quatre groupes. Il y a le premier grand péché, c'est le shirk billah, l'associanisme. Ensuite, le deuxième grand péché, c'est la bid'a. Ensuite, le troisième grand péché, c'est les grands péchés. La fornication, l'alcool, le vol, l'assassinat. Tout ça, ça vient quoi? Ça vient après quoi? Après la bid'a. Donc, il y a le shirk, ensuite la bid'a, ensuite tuer et boire le vin. Ça veut dire que celui qui boit le vin est moins mauvais que celui qui fait la bid'a. Celui qui fait la zina est moins mauvais que celui qui fait la bid'a. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça qu'on a dit Abdoho, tu dois dire Abdoho, c'est lui sans la substante. Alors il m'a écrit zéro. Zanjabilak a écrit zéro. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne comme nous, mais en même temps elle a quelque chose de très très particulier. C'est quoi? Elle a eu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message. Donc c'est un médiateur. C'est un séfir, on appelle ça un séfir en arabe, on dit séfir, j'ai oublié comment on dit séfir, séfir al-Jazair, séfir, il y a le mot séfir, comment on dit séfir, séfir al-Jazair, huwa fulan, séfir, l'ambassadeur, c'est un ambassadeur, naam, c'est un ambassadeur entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala, la prochaine fois on va terminer, on s'est arrêté, parce qu'on a dit c'est abduhu wa rasuhu, c'est son esclave et son prophète. Je vous donne, inchallah, on se rencontre dans 5 ou 10 minutes. Vous préparez, inchallah ta'ala, vos questions. Et on se rencontrera très bientôt, inchallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. C'est un petit haja hna. J'écris quelque chose ici très vite. Non, chose, je commence très vite par les doros. Je commence très vite par les doros. Premièrement, Inch'Allah Ta'ala, le programme avec lequel yani, on va marcher comme ça yani, pendant toute l'année, sauf lorsqu'il y a exception, ce sera 3 jours par semaine. Ce sera exactement le vendredi, le dimanche et le mercredi. Comme ça, pour ceux qui veulent noter, le vendredi, Inch'Allah Ta'ala, on fait Aqida. Le dimanche, on fait Fiqh. Et le mercredi, on fait une fois Hadith. Et une fois, on fait la vie des prophètes. Ça, c'est en général. Mais des fois, quoi? Des fois, on ajoute un quatrième cours par semaine. Des fois, j'ajoute un quatrième cours par semaine quand c'est par exemple maintenant, par exemple, quand maintenant, par exemple, le Ramadan est très proche. Comme ça, un cours spécialement sur Ramadan, ou bien un cours spécialement sur questions-réponses, etc. Mais en général, on marche vendredi, Aqida, dimanche, c'est fiqh, et mercredi, hadith, ou bien la vie des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais ah oui, il n'y a pas de son. Comment il n'y a pas de son? Inch'Allah, je vois qu'il y a le... Est-ce que je suis déconnecté ou là, comment? Ça coupe, hein? Donc, Khali, je sors et je reviens, inch'Allah. Khali, je sors et je reviens, si ça coupe. Non, ça coupe. Bon, alors, Khali, je sors et je reviens, si ça coupe. Parce que, peut-être, c'était moi qui parlais pas, c'est tout. Je disais que, bon, si ça je sors pas, si ça coupe, je dis ça me coupe une autre fois. Je disais que, vendredi, je vais lire d'abord vendredi, qu'est-ce que j'ai dit, vendredi, dimanche, mercredi. Ensuite, c'est en général c'est comme ça. Mais pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, Inch'Allah Ta'ala, vendredi, Aqida, et dimanche. Puisqu'on a fiqh, qu'est-ce qu'on va faire dimanche? On va commencer, alhamdoulilah, quand on s'est arrêté, on a terminé le taïmoum. J'ai fait vite pour le terminer, pour ne pas le laisser en moitié. On s'arrête au taïmoum, on va aller autre chose, on va revenir une autre fois. C'est comme ça que font beaucoup de ulama, etc. Ils s'arrêtent d'une chose, ils vont à une autre chose, ils reviennent. Donc on va s'arrêter maintenant au taïmoum. On va aller où? On va aller à ce qui a rapport avec le ramadan. Parce que le ramadan, c'est dans un mois et demi. Et le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que ce mois terminé, août a terminé, vous n'allez pas me voir pendant 2 mois. Quand août sera terminé, je vais, Inch'Allah Ta'ala, voyager pendant 2 mois, vous n'allez pas me voir. C'est pour ça que je voudrais, pendant ce mois, ne faire que 2 matières. Aqida et dimanche. Et l'autre jour, le fiqh, je vais faire ce qui a rapport avec le ramadan pour essayer de les terminer pendant ce mois, car il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien les règles du CIEM, surtout les femmes. Beaucoup de femmes ne connaissent pas bien les règles du CIEM. Des fois, elles font des choses, elles croient qu'elles sont... ça se fait alors que ça se fait pas. Et des fois, le contraire. Des fois, des choses qui se font, certaines ne les font pas, ils croient que ça annule le ramadan. C'est pour ça qu'Inch'Allah Ta'ala, le prochain dans ce qui va venir après demain, ce sera Inch'Allah Ta'ala sur quoi? Sur le CIEM, là. Ahkam CIEM. Ou bien, puisque c'est écrit ici, c'est écrit mercredi, c'est écrit vendredi, c'est Aqida. Donc peut-être vendredi, ça sera Aqida, peut-être ça sera Siyam, je vais voir, Inch'Allah Ta'ala. Je commence très vite par ceux qui m'ont envoyé leurs questions. Je dis ici, salam alaikum, j'ai une question me concernant. Je suis un homme et je travaille dans la restauration, une pizzeria. Et je fais des livraisons à domicile. Et parfois je livre à des femmes seules. Mais cela s'arrête sur le pas de la porte. Et même parfois, dans les ascenseurs, involontairement, une femme monte et je me trouve seul avec elle. Je voudrais savoir si ce travail est illicite. Fikibarakallah, naam. Ce travail, Inch'Allah Ta'ala, tu vois toi, si tu sens dans ton cœur que lorsque tu fais ce travail, c'est des fitnes et que tu te retiens difficilement et qu'il y a le shaitan qui te fait le ouswes, comme ça de livrer à des femmes, etc. Si c'est comme ça, ça veut dire que tu ne dois plus travailler ce travail. Mais si tu ne ressens rien, c'est juste un travail et qu'il n'y a pas un autre travail, donc tu tiens à ce travail et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide pour trouver un autre travail. Car ce travail, tout compris, il est difficile. Parce qu'aller livrer à une femme et elle est seule, ensuite monter à l'ascenseur avec une femme seule, le shaitan c'est le troisième, c'est un peu difficile. Je ne te demande pas de laisser ton travail, mais je te dis, Inch'Allah ta'ala, de chercher un autre si tu en trouves. Ensuite, l'autre... Noufel. Salam alaikum. Quel est le statut juridique des aliments suivants? La pressure, la gélatine et la cochenine. Sac est un colorant issu d'un insecte d'Amérique du Sud. Ma soeur, Noufel, pardonne-moi, mais les trois choses que tu viens de citer, les trois, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire la pressure, je ne sais pas la gélatine, je ne sais pas la cochenine. Elle dit qu'est-ce que ça veut dire. Explique-moi d'abord, après Inch'Allah Ta'ala, je répondrai. Une autre a dit, à propos de l'istijmar, le hadith par rapporté par Ahmed de Aïcha radiallahu ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand l'un de vous va au sel, qu'il se munisse de 3 cailloux et qu'il se nettoie avec, car ils suffisent. Donc ma question, est-ce un minimum de 3 ou l'on peut utiliser plus ou moins de cailloux ou papier toilette? Naam, le minimum c'est 3. Sans, si 2 ou la 1, ça ne suffit pas. Il faut au moins 3. Naam, il faut au moins 3. Maintenant 3, 5, 7, etc. Le Cheikh Ibn Rotemine a dit quelque chose, il a dit par exemple si c'est un caillou, c'est un grand caillou, hein, assez large, de façon à ce qu'on mette, on s'essuie par de ce côté du caillou, ensuite de l'autre côté, ensuite de l'autre côté. Il a 4 angles. Celui-là, il a dit, c'est à la place de 3 cailloux. Ensuite, il a dit, une sœur demande. Dans le livre La Citadelle du musulman, il y a des invocations où il y a précis, voilà, le nom d'Allah. Il n'y a pas précis le nom d'Allah. Par exemple, porte du neuf, vice honoré, ah, allez, et meurt en marqué. Il bis jadidan wa ish hamidan wa mutshahidan, sah, c'est un hadith sahih, rapporté par Abu Daoud, c'est ce hadith, il est sahih, l'Albani. Peut-on dire amin, comme après cela, même si on a pas dit Allah dans l'invocation. Naam, même si, s'il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu as dit amin, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas Allah, c'est pas d'une raison, c'est pas une condition obligatoire, c'est pas une obligation obligatoire. Quiconque peut faire un doigt, il dit par exemple je sais pas qu'est-ce qu'il peut dire. Puisses-tu par exemple réussir à l'examen, là tu lui dis amin. C'est pas obligé que ce soit le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam 2. La sunna du Fajr. Naam. D'abord je vais voir si elle est là avant de répondre. Cherchez-moi Maryam 2. Barakallahu fikum. Maryam 2. Comme ça si elle n'est pas là. Parce que j'ai déjà répondu à cette question. Je sais pas. Cherchez avec moi Maryam 2. Si elle n'est pas là, je lui réponds par email. Vous voyez pas avec moi, elle n'est pas là. Si elle est là, ah, j'ai pas vu ceux qui lèvent la main. Mouchkila, j'ai pas vu ceux qui lèvent la main. Attends, je vais voir. Une question me monte. Yes. C'est elle est là qui lève la main. Non, absente. Maintenant, quelqu'un qui m'avait dit, un homme qui vit en France, et travaille en France, il a l'intention de partir d'ici quelques années ou quelques mois faire sa hijra en Algérie. Il place sur un compte bancaire en Algérie une somme d'argent chaque mois, qu'en pensez-vous? Cette personne m'a posé cette question. Je lui ai répondu que placer de l'argent et aller pour le trouver là-bas, c'était même bien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on va aller là-bas, peut-être qu'on ne va pas trouver un travail, etc. Et que s'il cachait de l'argent, c'était bien. Ensuite, c'est lui qui m'a fait rappeler à une chose. Il parlait de la banque. Et moi, je parlais de cacher de l'argent, c'est tout. Et lui, il parlait de la banque. Maintenant, je lui dis, si la banque, elle fait les intérêts, il n'est pas possible de poser l'argent là-bas. Moi, quand j'ai répondu, je croyais que tu voulais dire, est-ce que c'est pas en contradiction avec le théocole, je veux cacher de l'argent là-bas. J'ai dit non, tu peux cacher. Mais toi, tu parlais de quoi? Tu parlais de la banque, tu cachais dans la banque. Moi, je dis, si tu caches dans une banque, tu dois cacher dans une banque qui est islamique, c'est-à-dire une banque qui ne donne pas d'intérêt et qui ne prend pas d'intérêt. Et il y en a une ou deux en Algérie, il y a même une à Alger, à Blida, il y a Inch'Allah Ta'ala partout, cette banque maintenant là-bas. Autre question, est-il possible? Attends, je vois cette personne, si elle est là, parce que je la connais, cette personne, je vais voir si elle est là d'abord. Cette personne n'est jamais absente, sauf si elle est aujourd'hui absente, c'est une exception. Ah, elle est là, la personne, elle n'est pas absente, ça. Il y a une personne qui a dit, est-il possible de faire la ruqya à une femme enceinte plus de 4 mois? Et y a-t-il danger pour la mère et le bébé dans ce cas? Jawab, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam, mursalin. Quand on fait une ruqya à une femme qui est enceinte, il y a un peu de danger. Pourquoi? C'est surtout à cause du bébé. Parce que des fois, le djinn, il commence à la lever vers le ciel, à la faire descendre, à la rouler par terre, etc. Et tout ça, ça fait quoi? Ça représente un danger pour le bébé. Et des fois, c'est pas la femme qui se retient. Des fois, c'est le djinn qui fait comme ça. On peut pas se retenir. Deuxième question, peux-tu tuer le djinn qui ne veut pas sortir et persiste et menace de tuer la femme qu'il possède et le bébé. Peut-on tuer le djinn qui ne veut pas sortir et persiste et menace de tuer la femme qu'il possède et le bébé? Nous, on essaye toujours de ne pas tuer le djinn. Toujours on essaye de ne pas le tuer. Mais quand c'est lui qui menace de tuer, qui veut tuer, dans ce cas, il est possible de le tuer, Inch'Allah. Il est possible de le tuer. Mimbab def as-sa'il. Mimbab def as-sa'il. Quand c'est lui qui veut tuer, maintenant, moi, j'essaie de le pousser, quitte à ce qu'il meure. J'essaie de le pousser, quitte à ce qu'il meure. Ce djinn est chrétien, il a fait la shahada pendant une séquence de ruqya, mais persiste à revenir dans le corps de la femme et menace de la tuer et a déjà essayé. Naam, celui-là, il faut faire la ruqya tous les soirs jusqu'à ce qu'il parte bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Car la ruqya a dit, beaucoup de gens ne savent pas, il fait une fois, ensuite dans un mois, ensuite dans 15 jours. Ça donne rien quand tu es avec un djinn difficile. Quand tu es avec un djinn difficile, il faut chaque soir. C'est pour ça que la ruqya, ça demande un groupe. Moi, je vais ce soir, mon deuxième ami, demain, le troisième après-demain, et comme ça. Et année, on travaille par équipe. Jusqu'à ce que bi'idhnillah ta'ala, il abdique et il sort et il va partir. Ce djinn a été envoyé par de la sorcellerie pour séparer. Naam. Il n'y a pas plus grave péché chez Allah subhanahu wa ta'ala que, premièrement, la sorcellerie. Et secondo, la sorcellerie pour séparer entre l'homme et la femme. Nous ferons un bain mar et wazouge. Quiconque fait la sorcellerie, premièrement, et deuxièmement, pour séparer, celui-là, il rencontrera Allah Azzawajal en colère de lui, et il sera dans un grand problème le jour de la résurrection. La femme en question a apparemment piétiné sur de la sorcellerie, et a même de la sorcellerie déposée au niveau d'une partie de son corps. Que faire et comment retirer la sorcellerie, une devant la porte d'entrée d'un immeuble et l'autre donc au niveau du parti de son corps. C'est très simple, quand on sait où est la sorcellerie, on va vers la sorcellerie, on dit ayat al-kursi, on fait l'adhiya trois fois, bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un, on fait l'adhu lafi samaa'i wa samaa'il 'alim trois fois, et on prend cette sorcellerie, on crache dessus et on lit dessus, ou bien on prend un récipient, plein d'eau, on lit dans le récipient, et été coursé, on vide la sorcellerie, on l'ouvre si c'est quelque chose de ficelé, etc. On la laisse à l'intérieur de l'eau une demi-journée ou une journée afin qu'elle soit annulée. Ensuite, elle n'a plus aucun effet. Ensuite, on essaye de l'enterrer quelque part. Donc, il ne faut pas la laisser comme ça, la sorcellerie. Elle est en train de faire ce qu'elle fait. Donc, il faut la prendre et faire ce que je viens de dire. Et l'autre qui est au niveau du parti de son corps, je n'ai pas très bien compris, elle est en quoi, celle qui est devant, celle qui est sur son corps. Elle est en quoi? C'est une marque ou là c'est quoi? Quoi qu'il en soit, tu essayes, ce qu'il y a sur le corps, tu essayes de l'enlever, Inch'Allah Ta'ala. À chaque fois, en crachant dessus, en faisant les ad'iya, en effaçant avec ta main, ou bien en le faisant sortir s'il est dans un endroit caché. De toute façon, tu dois l'annuler, bi'idhnillah ta'ala, et ne pas le laisser comme ça, visible, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. On commence par nos frères, inshallah ta'ala, qui sont dans la salle. S'il y a des frères et des sœurs auxquels, jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont envoyé quelque chose, et je ne leur ai pas répondu, ça veut dire deux choses. Ou bien, je leur ai répondu dans la salle, et eux, ils n'étaient pas présents, ou bien, j'ai pas fait exprès, et j'ai effacé leur courrier. والله تعالى أعلم. محمد 1988 تفضل بارك الله فيك استفتح فيك بي. محمد أدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je m'excuse si la question n'a pas peut-être de rapport avec le cours, mais elle me préoccupe lors de la Jumu'a avant qu'on fasse l'Adhan. Un homme fait le cours en français de ce qui va être dit durant la khutbah, car l'imam ne parle pas bien arabe et certaines personnes disent que c'est bid'a du fait qu'ils n'ont pas vu ça dans d'autres mosquées environnantes. C'est nouveau. Et ces mêmes personnes proposent à cet homme de donner la traduction une fois la khutbah terminée aux jeunes. J'aimerais donc avoir un avis dessus. Barakallahu fik ne parle pas bien le français. Ne parle pas bien le français. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il faut que je relise ce qu'il a dit. Maintenant, on fait le cours en français de ce qui va être dit dans la khutbah. Naam. S'ils disent, naam, regarde, c'est un peu vague. Pourquoi? S'ils disent, que ça se fait pas, etc. S'ils veulent dire, ça a deux sens, ça a deux suppositions. S'ils veulent dire que le dars avant la khutbah, c'est bid'ah. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait le dars avant la khutbah. Il faisait directement la khutbah. S'ils veulent dire ça, on dit ça en ce sens. Le prophète alayhi wa sallam n'a jamais fait de dars. Mais des fois, le dars, il est, on t'oblige à le faire, comme en Algérie, par exemple. En Algérie, dans les mosquées, on te dit, tu choisis entre deux choses. Tu fais le dars, ou bien tu laisses ta place à quelqu'un. Alors, tu es obligé de le faire, sinon, tu vas laisser quelqu'un, Moubtadi'a, ils vont le ramener, il va faire le dars. Le dars, il est fait, soit par toi, soit par un autre. Donc, tu choisis, tu laisses les Moubtadi'a prendre la mosquée, ou bien tu fais toi le dars, et Allah Azza wa Jalla sait que c'est pas toi qui le veux, mais en même temps, tu fais profiter les gens de la science, etc. C'est pour ça que tous les grands douaites là-bas, Cheikh Azdin Ramadani, Cheikh Nazar, Cheikh Aoui, c'est tous, il n'y a pas un qui ne peut pas ne pas faire le dars. Certains font des questions-réponses, etc. Maintenant, s'il dit ça, tu lui dis ça, le dars est bid'a, mais ce que je viens de dire. Deuxièmement, ou bien il veut dire, et là c'est mieux, il veut dire pourquoi on ne fait pas, yani, ce dars, pourquoi on ne le fait pas après la khutbah. Quand la khutbah se termine, au lieu de donner les feuilles, certains vont les lire et d'autres ne lisent pas, etc. On peut, quand la khutbah se termine, on peut apprendre les gens à Baraklou, fait comme rester 5 ou 10 minutes, et on traduit ce qu'a dit l'imam. Ça, normalement, c'est l'imam qui le fait. Il dit, voilà, moi je parle pas bien français, etc. Laissez, restez Baraklou, fait comme 10 minutes, il va vous traduire la khutbah. Wallahu ta'ala alam. Et c'est pour ça qu'en principe, un imam qui ne parle pas français, il n'a pas le droit de monter sur un mimbar alors qu'il parle avec des gens qui ne comprennent pas sa langue. Car Allah Azza wa Jalla a dit, j'ai oublié l'ayat. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يبين لهم. Il a dit, je n'ai pas envoyé de prophète que s'il parle la même langue à ceux auxquels je l'ai envoyé. Quand quelqu'un est en France, il n'y a que les Français avec lui. Ou il est en Chine, il n'y a que les Chinois. S'il monte sur le minbar, il doit parler le chinois. Sinon, c'est pas la peine de monter, et c'est même pas la peine de faire le Jumu'ah. À quoi ça sert? Les gens ne comprennent pas ce que je dis. C'est pas le Jumu'ah, c'est pas pour monter sur le minbar, dire Hajjat al-Khutbah et tu descends. Les gens n'ont rien compris. Jumu'ah, c'est pour apprendre aux gens le din. D'accord, tu dis Alhamdulillah, al-Khutbah al-Hajjat, tu termines. Ensuite, tu expliques aux gens avec leur langue, ou alors avec les deux langues, arabe, et tu traduis au chinois, arabe, français. Maintenant, s'il n'y a pas de français, je vois pas celui-là pourquoi il monte le mimbar. Sauf, bien sûr, s'il y a des gens, beaucoup de gens qui comprennent l'arabe. Wallahu ta'ala alam. Est-ce qu'il y a une question pour une sœur? Et c'est qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent les autres. Naam, qu'ils le fassent après, c'est mieux. Mohamed 1988, qu'ils fassent. La traduction après, c'est mieux. Car avant, c'est une bid'a de faire le dars avant la khutbah. Il y a quatre questions de nos soeurs, mais c'est pas en rapport le dars. Khlas, c'est maintenant un rapport ou non, ou par rapport. Dans les questions, inshallah ta'ala. Bon, Abdullah, après cette question, tu attends, inshallah ta'ala. Il y a une question de Zanjabila qui dit en rapport avec le dars. Oum Abdelnour, salam alaykoum wa rahmatullah. Je voudrais savoir si un homme a ses ablutions et qu'il embrasse sa femme, perquis ses ablutions et vice versa. Est-ce vrai que le prophète Aïssosam embrassait ses femmes pendant qu'il jeûnait? Barakallahu fikoum ya cheikh, jazakallahu khair. Naam, comprends bien ma soeur ce que je vais dire. Quand quelqu'un a les ablutions et il embrasse sa femme, ses ablutions ne sont pas perdues. Et elle embrasse son mari. Ses ablutions, elles aussi, ne sont pas perdues, à une condition, laquelle, c'est qu'il ne sorte rien de lui ou l'aide d'elle. C'est que le liquide, il y a un liquide qu'on appelle le liquide visqueux. C'est un liquide qui sort, en principe, quand on pense à sa femme, ou là on l'embrasse, ou là on joue avec elle, il y a un liquide qui sort. Si ce liquide sort, les ablutions sont annulées. Maintenant, s'il l'embrasse, ou là elle l'embrasse, et il n'y a rien qui sort, les ablutions sont vraies, à 100%, La même chose pour le jeûne. Si quelqu'un qui jeûne veut embrasser sa femme, il peut, mais s'il embrasse, il y a quelque chose qui sort, ce n'est pas bien. Le jeûne est juste, il est toujours juste, mais ce n'est pas bien. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était assis, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, un vieux. Il lui a dit, je jeûne et j'embrasse ma femme. Le prophète Hassan lui a dit, ça ne fait rien. Ensuite, il y a un deuxième, c'est un jeune. Il a dit, je jeûne et j'embrasse ma femme. Il lui a dit, non, tu n'embrasses pas. C'est un hadith bon, Hassan, comme on dit, je crois, Cheikh Al-Albani. Donc, les ulama ont dit, quelqu'un qui est vieux pendant le ramadan, assez âgé, il embrasse sa femme, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, rien ne sort de lui. Mais le jeune, il ne doit pas embrasser. S'il embrasse, son jeûne est juste, normal. Mais il ne doit pas embrasser. Pourquoi? Parce qu'un jeune, quand il embrasse, il ne va pas s'arrêter à l'embrassement. Il va aller beaucoup plus loin, il ne va pas se retenir. Et le shaitan va venir et va lui dire c'est facile, après tu fais 2 mois, etc. Il va lui montrer que 2 mois de jeûne, c'est facile. Maintenant tu termines et après tu inchallah 2 mois c'est vite, etc. Ensuite il va être dans un grand problème, comment faire 2 mois consécutifs. Donc c'est pour ça que le jeune ne doit pas embrasser de préférence, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui qui est âgé, inchallah ta'ala, il n'y a pas de problème. Ensuite, Zanjabila, quelle est la chose qui a rapport avec le DAS? Il y a une personne, Afon Urti, Naam, il y a une personne qui s'est reconvertie à l'islam, elle est française. Naam, Mbouk Aliha, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'aide et qu'il la préserve et qu'il lui ouvre ses portes, qu'il descende, qu'il lui apprenne le vrai islam. Continue ma soeur Zanjabila, c'est terminé? Ou là, il y a une question, ou là, il n'y a pas. Pour que je sache ce que je dis. Écris par phrase, deux phrases. Quand je lui ai expliqué que le sens de la ilaha illallah, c'était, yani, on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand je lui ai expliqué que le sens de la ilaha illallah, c'était quoi? Si tu pouvais, par exemple, envoyer la question à quelqu'un qui va lire, quelqu'un qui lit avec le... quelqu'un qui va parler avec le micro, je voulais dire. Le temps qu'elle écrive, Inch'Allah Ta'ala, le temps qu'elle écrive, on revient à nos questions, Inch'Allah Ta'ala, parce que c'est même peut-être bloqué, je vois qu'il n'y a rien qui vient. Une montée à... Je ne sais pas si Al-Adin a parlé ou elle n'a pas parlé à Al-Adin. نعم على الدين تفضل لو طون كاليكيف الاخرى. السلام عليكم ورحمه الله. Lors de la salat à la mosquée, quand on fait التشهد et que le fidèle a terminé mais pas l'imam, que doit faire le fidèle dans l'attente que l'imam termine? Barakallahu fik. نعم. Quand le fidèle a terminé, il ne pose pas son doigt. Il ne pose pas son doigt. Il le laisse toujours pointer vers la qibla, en train de le bouger un petit peu de haut en bas un peu, et de faire les ad'iyah. Quitte à refaire les mêmes ad'iyah. Mais il ne s'arrête pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait, il disait, tu connais les 4 choses. L'homme n'y a pas de l'adab jahannam, l'adab al-qabr, on s'est mahi al-mahat, on s'est mahi al-dajjal. Il disait aussi, اللهم اغفر لما قدمت واخرت واسررت واعلنت واسرفت وما انت اعلم به مني اللهم انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. Il disait aussi اللهم حاسبني حسابا يسيرا. Et certains ulama ont dit tu peux même faire des doigts personnels. Tu peux même faire des doigts personnels. C'est pour ça que j'ai dit que si l'imam n'a pas terminé, tu ne baisses pas ton doigt. Tu baisses ton doigt toujours en train de vers la qibla, tu regardes ton doigt, tu regardes pas la qibla, tu regardes ton doigt et tu dis de préférence les ad'iyah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je viens de dire, si tu les connais pas, tu peux dire n'importe quel doigt, inshallah ta'ala. Abu Ahmed, tafadhal. J'ai envoyé la question à Yes Abu Anas. Naam. Abu Ahmed a dit, une personne veut apprendre à faire la salat. Est-il autorisé d'écrire en phonétique la fatiha et les invocations liées à la salat, sachant que je lui donne la signification en français à côté de la phonétique? Attends, Akhi Abu Ahmed, attends que je comprenne d'abord ce que tu veux dire. Attends que je comprenne. Une personne veut apprendre à faire la salat. Est-il autorisé d'écrire en phonétique? Phonétique, il y a dit en français, Alhamdulillah, comme ça, bien sûr. La fatiha et les invocations, nan, sachant que je lui donne la signification. Je lui donne la signification en français, à côté de la phonétique. Là, je n'ai pas bien compris, sachant que je lui donne la signification française à côté de la phonétique. Maintenant, s'il écrit, ton problème, c'est est-ce qu'il peut écrire en phonétique? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que est-il permis qu'il écrive en phonétique? C'est ça le problème ou là, il y a autre chose, Abou Ahmed? Est-ce qu'il peut? Ben, si ce que tu écris en phonétique, si ce que tu écris en phonétique, c'est le Coran lui-même, s'il n'est pas dévié ou là. Si ce que tu écris, c'est le vrai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il ne peut prononcer que ça. Allah Azza wa Jal, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si c'est comme ça qu'il prononce, sa salat est vraie à 100%. Parce que il ne peut pas plus que cela. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maintenant, s'il ne peut même pas lire en phonétique, c'est difficile pour lui. Celui-là, il dit seulement, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah akbar, comme dans le hadith sahih. Maintenant, il choisit. Il sait lire en phonétique, il lit en phonétique, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et comme ça. C'est mieux. Maintenant, il ne peut pas comme ça. Il dit seulement, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, comme dans le hadith sahih. Wallahu ta'ala alam. Voilà ce que j'ai compris de ce que tu veux dire, Wallahu alam. Qu'est-ce qui s'est passé? Tafadhal. Salam alaikum. J'ai demandé à ma femme de faire la hijra dès qu'on le pourra. Mais elle me dit pas maintenant car elle est mal à la dépression. De plus, elle ne veut pas laisser sa mère seule qui n'est pas musulmane. Elle me dit qu'on ne partira pas avant 5 ans, Inch'Allah. Que dois-je faire, Cheikh Barakallahu? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adhim. Celle-là, elle se trompe, Cheikh. Je comprends qu'elle veuille rester devant sa mère un peu de temps, etc. Mais quand elle fait la hijra, elle peut revenir. On fait la hijra et je reviens à cause de ma mère qui est malade. L'essentiel, frère, j'ai fait la hijra. Mon cœur est là-bas. J'ai pris mes affaires, je suis là-bas. Je suis maintenant ici, pas comme quelqu'un qui habite, mais quelqu'un qui est venu visiter. Je suis un visiteur ici, comme quelqu'un qui va en vacances. Je suis chez ma mère, je la guéris, je reste avec elle 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus malade. Mais la différence, j'ai fait la hijra, je suis là-bas. Je suis venu ici juste pour ma mère, 5-10 ans, ensuite qu'elle n'est plus malade, je vais chez moi. Donc voilà la différence. Essaye, Inch'Allah Ta'ala, de la convaincre et montre-lui qu'elle peut revenir à cause de sa mère. Qu'elle peut revenir à cause de sa mère et peut rester avec elle 1, 2, 3, 4, 5 années jusqu'à ce qu'elle guérisse. Mais l'essentiel, c'est qu'elle fasse la hijab parce que elle ne sait pas et elle peut mourir. Et quand quelqu'un meurt dans un pays des koufars, il pouvait sortir. C'est difficile pour lui. Barakallahu fik. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Naam, Omar Abdullah, pose une question. Pose, je t'ai oublié. Pose, pardon. J'ai oublié les soeurs. Pardon, fadli. Amina, j'ai une question, Inch'Allah. À ton droit de faire des dons d'organes, barakallahu fikum. À ton droit de faire des dons d'organes, barakallahu fikum. Je sais que Cheikh Ben Rousseymin, rahmatullah, n'a pas permis le don des organes. Cheikh Ben Rousseymin, rahmatullah, n'a pas permis le don des organes. Mais d'autres ulama et aussi de grands ulama l'ont permis avec des conditions. Ils l'ont permis avec des conditions. Que lorsqu'il donne, par exemple, il sait que il va pas lui tomber malade. Je vais pas donner quelque chose, ensuite moi, je vais tomber malade. C'est la première des choses. C'est pour ça que Cheikh Ben Rousseymin a dit qu'il est impossible que Allah Azzawajal ait créé quelque chose dont on n'a pas besoin. C'est comme ça qu'a vu Cheikh Ben Rousseymin, alayhi rahmatullah. Il a dit comment? Tu as par exemple deux fois, tu vas donner un fois. Allah Azzawajal, pourquoi il a créé le deuxième? Donc s'il ne faisait rien le deuxième fois, pourquoi l'a-t-il créé? Mais deux fois, tu donnes un fois, et voilà, il y a des problèmes, tu as besoin du deuxième fois, qui n'est pas avec toi. Et si tu meurs là, tu meurs dans une mouche qui est là, pourquoi? Peut-être tu rentres un peu dans le suicide. Quoi? Tu t'es fait mourir, Allah Azza wa Jalla t'en a donné deux, toi tu as donné un. Mais j'ai dit, des ulama ont dit, on peut donner à condition qu'on sache quoi? Qu'on sache que, yani, on, vraiment, yani, on n'a pas besoin de ce, plus ou moins, on n'a pas besoin de cet organe. Et que deuxièmement, il ne soit pas vendu. Parce que certains le vendent, certains vendent, et ils ne savent pas que le corps, c'est quelque chose que Allah Azzawajal a créé et ça lui appartient. Toi, tu peux vendre ta voiture. Tu prends la roue et tu la vends. tu prends le capot et tu le vends. Mais une personne, tu peux jamais vendre quelque chose d'elle. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'a créé. Si tu veux vendre quelque chose, tu dois, qu'est-ce que tu fais? Tu construis une poupée. Une poupée avec de la cire, avec du plastique, tu construis une poupée, la tête, les jambes, et tu commences à vendre. Tu vends le pied, tu vends la tête, etc. Ça, c'est permis. Mais celui-là, ce corps, c'est un corps d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. On n'a pas, c'est interdit de vendre quelque chose. Donc voilà ce que je veux dire. Les ulama ont divergé. Certains ont dit oui, comme les grands ulama, certains grands ulama. Certains ont dit non, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Et ceux qui ont dit oui, on met ces deux conditions. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a ceci, il y a quelque chose où là je passe à Umuhajir. Umuhajir, ta fadlali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-nous, mafiri, celle-là, nous rappeler les asbab qui font que Allah n'accepte pas nos salats durant 4 jours, hormis le fait d'aller voir un Saddam Soleil. Non, c'est pas madame, ça, c'est Saddam, lui. Celui qui va la voir, c'est Saddam. Saddam Soleil, sans le croire. Et dans le Husnul Muslim, c'est-à-dire du musulman, y a-t-il des hadiths d'aïf? Je crois que dans le Husnul Muslim, je crois qu'il n'y a pas de hadith d'aïf, ou s'il y a, je crois qu'il y a un, je l'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas lu ce livre, mais je crois que la plupart des hadiths sont vrais. Sois tranquillisé, Inch'Allah Ta'ala, la plupart des hadiths sont vrais. Il y a seulement quelques divergences sur certains hadiths Hassan. Lorsqu'il dit Hassan, certains disent c'est faible, d'autres disent Hassan. Mais Inch'Allah Ta'ala, le livre, c'est un bon livre, c'est un bon livre. Mais je vais faire, Inch'Allah Ta'ala, une remarque sur ce livre. Avant la remarque, je voulais dire que les sbebs qui font que Allah n'accepte pas nos salats durant 40 jours, hormis le fait d'aller. Non. Là, pour l'instant, je me rappelle pas. Je me rappelle pas quelles sont les choses qui font que la Zouj n'accepte pas la salat 40 jours. Maintenant, je me rappelle seulement de celui qui va chez le voyant. Je me rappelle pas d'autres choses. Je vais essayer de penser. Maintenant, je me rappelle seulement celui-là. Je me rappelle pas d'autres asbab où c'est cité que ça ne sera pas accepté 40 jours. Inch'Allah Ta'ala, je verrai ce soir s'il y a d'autres hadiths que c'est inscrit 40 jours. Maintenant, je voudrais faire une remarque importante pour Husn al-Muslim, parce que toi, tu as écrit en français Husn al-Muslim. Je veux dire que Husn al-Muslim, les doigts s'approcher de l'alcool, naam, ta salat, naam, l'alcool, barakallahu fik. Celui qui boit de l'alcool, justement, je cherche celui-là. Celui qui boit de l'alcool, là, je n'accepte pas sa salat 40 jours. Celui qui boit de l'alcool. Allah Azza wa Jal n'accepte pas sa salat 40 jours, comme c'est un hadith connu, il est chez Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jaba. Quiconque boit de l'alcool, Allah Azza wa Jal n'accepte pas de lui 40 jours. Barakallahu fik muslim kola. En ce qui concerne Husn al-Muslim, il y a certains gens qui, par exemple, ils lisent ce livre et ils font tous les ud'iyah. Tous les ud'iyah le matin, tous les ud'iyah le soir. Moi, je voudrais dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait les doigts, ce livre, Husn al-Muslim, a voulu te montrer quels sont les ad'iyah que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si tu lis ad'iyah sabah ou ad'iyah al-masa, ça ne veut pas dire que tu dois tous les lire. Non, tu choisis quelques-uns, tu les lis aujourd'hui le matin. Demain, j'en choisis deux ou trois autres, je les lis le matin. Après demain, et trois autres, et ainsi de suite. Ensuite, le soir. Aujourd'hui, je prends trois choses, je les dis le soir. Et ainsi de suite. Parce que certains croient que tout ce qu'il y a dans le livre, tu dois le lire le matin et tu dois le lire le soir en ce qui concerne l'ad'iyya. Wallahu ta'ala alam. Ilyas, est-ce que tu es prêt pour nous dire de la convertie, de qu'est-ce qui s'est passé chez la convertie? Est-ce que tu es prêt? Tfadl, prends le micro, tfadl. Salam alaikum. Salam. Il y a du son. Salam alaikum. Donc, je pose la question de Nassara 59, ma soeur. Bon, voilà cette question. Voilà cette question. Quand je lui ai expliqué que le sens de la ilaha illallah comporte une négation, une affirmation, donc, même s'il y a des autres divinités, que les gens se donnent, personne n'est digne d'être adoré à part Allah. Cette personne reconvertie me dit, cela veut dire qu'Allah est juste et il donne la possibilité aux gens de choisir entre lui et les autres divinités. Comment lui expliquer avec évidence et concrète pour qu'elle ne pense plus cela et comprenne le vrai sens de la shahada. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, cher. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que, non, c'est compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui transmettre ce que je vais dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou la, une amie à elle, ou la Nasra 59. Est-ce que Nasra va lui, non, va lui dire... D'accord. Chef, Ourti, non, c'est mon ami Nasra. D'accord. Cher sœur Nasra, Nasra 59, tu lui diras, Inch'Allah ta'ala, non. Tu lui diras, si elle est la Nasra, si elle m'écoute, ou la Zanjabila, tu lui diras que la réponse se trouve dans l'explication elle-même. Car nous, qu'est-ce qu'on a dit? La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de divinité qui va dire, il n'y a de divinité qu'on doit, qui mérite, voilà, il n'y a de divinité qui mérite. Yani d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres divinités sont nulles et batila. Comme j'ai dit dans le verset. Dharika bi anna Allah huwa al-haqqa wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ce verset très clair. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui le juste huwa al-haqq. Et tous les autres, ceux qu'ils adorent, toutes les autres divinités sont le batil, sont la chose qui est batel, yani qui est fausse ou là qui est nul ou là quelque chose comme ça. Donc le fait de dire la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas, c'est pas que là je nous a fait choisir. Au contraire, il nous a dit il y a des divinités, mais elles ne méritent pas, elles sont nulles. Si vous les adorez, ça veut dire vous ne m'avez pas adoré, ça veut dire vous allez aller en enfer. Voilà ce que là je vous a voulu dire par la ilaha illallah. Ça veut dire certes il y en a, mais elles ne méritent pas. Donc si vous voulez maintenant vous les adorer, c'est que vous ne m'avez pas adoré. Donc, le jour du jugement dernier, tu demanderas à l'adorer Hada, tu lui diras de te rentrer au paradis, de rentrer en enfer. Car, parce que je l'ai dit, « Inna dina indallah l'islam, wa man yabtari ghayra l'islami dinan fala yuqbala min. » Montrez à cette sœur, montrez-lui le Coran, traduit en français, « Inna dina indallah l'islam, la religion chez Allah c'est l'islam. » Et quiconque voudra autre chose que l'islam, ça ne sera pas accepté. C'est un grand perdant. Il sera un grand perdant le jour du jugement dernier. Faites lui montrer ce verset qui dit que on ne peut pas choisir. Certes, on peut choisir entre deux choses. Entre rentrer en islam et ne pas rentrer. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer quelqu'un avec les... Hormis Allah. Naam. Dis-lui. Naam. Personne n'a le droit en islam de faire rentrer quelqu'un avec quoi? En le battant avec le fer, ou bien en lui mettant une épée sous son cou, et on lui dit tu rentres en islam, ou bien, et allez on te tue. Naam. Il n'y a pas ça en islam. En islam, on tue quelqu'un, quand quoi? C'est pas parce qu'il veut pas rentrer en islam. C'est quand il est une barrière entre lui et les gens. Il veut pas laisser l'islam arriver aux gens. Il veut pas le laisser arriver aux gens. Mais une fois que ce mécréant reconnaît que c'est l'islam le seul qui doit gouverner, il ne choque pas illa lillah. Dans ce cas, il est libre, il veut rentrer en islam, il ne veut pas rentrer. C'est pour ça que peut-être certains gens vont dire, subhanallah, il y a un hadith sahih du prophète sallam qui dit, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah ila akhir hadith. J'ai été umirtu, on m'a ordonné de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Donc, moi je tue jusqu'à ce qu'ils disent. Bon, on leur dira, il faut bien comprendre l'islam, bien le comprendre, et ne pas donner ne pas l'amochir, ne pas donner une fausse image de l'islam. En islam, qu'est-ce qu'il n'y a pas? En islam, personne dans ce monde n'a le droit de quoi? De gouverner. Sauf en islam, sauf avec l'islam. Pourquoi? Parce que la terre, c'est Allah qui l'a créée, elle lui appartient, elle n'y a personne. وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده comme il a dit dans le Coran et la terre est à Allah et la donnera qui voudra. Donc Allah, la terre c'est Allah, les créatures c'est Allah qui les a créées. Et Allah Azza wa Jal sait que cette terre, pour qu'elle convienne aux créatures qu'il a créées, et la terre il l'a créée, il faut qu'il marche avec quelque chose qui s'appelle digne de lui, les lois qu'il va régir Allah, lui, subhanahu Azza wa Jal. Donc personne sur cette terre n'a le droit de gouverner sauf avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand cette personne ne dit khlas, moi je ne gouverne plus, prenez la terre, prenez la gouvernance, gouvernez, je suis seul, je vis seulement sur terre, où je vais vivre, sur la lune. On va lui dire, non, tu vis sur terre, et encore plus que ça, tu n'es pas obligé de rentrer en islam, tu es libre. Si tu rentres en islam, alhamdoulilah, c'est le paradis qui t'attend, et tu ne vas pas en enfer, tu veux rester chrétien ou là, tu es libre. Demain, c'est l'enfer, tu ne vas plus ressortir. La ikraha fi din, on ne rentre pas quelqu'un de force en islam. Mais, en parenthèse, on ne le laisse pas gouverner. Car quand il gouverne, il ne laisse pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala arriver aux gens. Il va gouverner avec ses passions. On gouverne avec l'islam, et en même temps, personne n'est obligé de rentrer en islam. Ils vivent avec toi, les chrétiens et les juifs, et les médous, ils vivent avec toi en islam, en pleine ville islamique, ils vivent avec toi, et une fois par an, ils donnent une certaine somme d'argent. Pourquoi ils donnent de l'argent? Pour que tu les défendes. Si jamais il y a un musulman qui frappe un chrétien là, tu le prends chez le juge. Il va le frapper lui aussi. Il y a un musulman qui va voler un chrétien, tu le prends chez le juge. Il va lui enlever l'argent qu'il a volé, il va l'emprisonner. Il y a quelqu'un, il y a une guerre, il y a des gens qui vont nous faire la guerre, les chrétiens sont avec nous et les juifs. C'est nous qui allons défendre les chrétiens et les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils donnent une certaine somme d'argent chaque année qui s'appelle jizya pour être défendu par les musulmans et défendu contre les koufars qui risquent de nous rentrer dans notre ville, etc. Le temps, je crois qu'il est terminé. Parce que... Zéro, non. J'ajoute... السلفي تفضل السلفي تفضل السلام عليكم شيخ je vois beaucoup de personnes âgées lorsque le nom d'Allah ou un de ses attributs est mentionné pendant la prière par exemple dresser leur index pour indiquer l'unicité est-ce cela permis c'est une bida. En principe, quand on dit « La ilaha Muhammad Rasulullah », c'est pas la peine de lever le doigt. C'est pas la peine de lever le doigt. Tu dis seulement « Shahadun la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». On dresse le doigt quand on est dans la prière. On dresse le doigt, on le pointe vers la qibla, on le fait un peu bouger de haut en bas, on regarde le doigt et on regarde pas la qibla. Wallahu ta'ala a'lam. S'il y a une question d'une sœur, on ajoute 10 minutes ou là. Cheikh Barakallahu Fik, est-ce que vous avez des conseils pour nous célibataires, comment trouver son âme sœur dans le halal, en tenant compte qu'on a tous essayé pour le trouver, pour lever des amis, ceux qui viennent à la maison, etc. Naam, alhamdoulilah, wa salatu wa salam ala rasulih, sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois savoir d'abord que, tu ne dois pas arrêter des doigts. Tu ne dois pas dire, Allah, moi ça fait 2 ans là que j'ai fait des doigts, et personne n'est venu, ou là ça n'a pas marché. Car Allah Azza wa Jal, tant que la personne ne dit pas cela, Allah Azza wa Jal lui répondra son doigt. Toi, tu dis cela sans t'arrêter. Tu dis beaucoup de doigts. Si tu peux, les gens, quand ils dorment la nuit, tu te réveilles vers 3h du matin, ou là tu fais 2 rak'at, et tu fais un doigt aussi. Si tu peux, tu jeûnes par exemple le lundi ou là le jeudi, quelqu'un quand il jeûne, son doigt est accepté. Et tu fais le doigt. Et dis-toi que, pour être très tranquille, dis-toi que si Allah Azza wa Jal a écrit sur son tableau préservé que tu vas te marier, tu te marieras tôt ou tard. Il faut que tu te maries. Il est impossible que quelque chose s'écrive sur le tableau et que la femme Adi ne se marie pas. Il est impossible. Moi j'ai une sœur dans la famille. Une sœur, yani une sœur pratiquante, etc. Elle est restée, elle, attendez, hein, toutes ses sœurs se sont mariées, sauf deux, Hadi dont je parle. Elle s'est mariée à l'âge de 52 ans. Elle s'est mariée à 52 ans. À 52 ans, qui est-ce qui aurait dit qu'elle allait se marier? 52 ans, classe. Peut-être à 40 ans, elle s'est dit, là, je ne vais plus me marier. Mais puisque c'était écrit dans le tableau préservé qu'elle devait se marier, ce bonhomme est venu à 52 ans et elle s'est mariée. Elle est maintenant mariée. Donc toi, ne dis pas qu'il n'y a pas. Tu fais les doigts et tu attends Inch'Allah Ta'ala. Et bien sûr, tu essaies, comme j'ai dit, il est possible en islam de parler avec les sœurs. Tu dis à une sœur, par exemple, si tu as un frère, par exemple, tu lui parles de moi. Ça, c'est permis. Même ton frère parle de toi. Dans la mosquée, il parle à un ami. Comme a fait Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, dans le Bukhari. Il a dit à Ousmane, Abu Bakr Siddiq. Ensuite, il a dit à Ousmane ibn Affan. Il leur a dit, j'ai ma fille Hafsa qui apprend le Coran, si vous voulez la marier. Donc, et comme a dit le pieux dans le Coran, il a dit à Moussa alayhi salam, إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. Je veux te marier une de mes deux filles. Donc c'est permis, surtout le frère qui dit à ses amis, trouve quelqu'un de bien, etc. Il lui dit, oh là, toi tu veux te marier, etc. Qu'en penses-tu de ma soeur, par exemple, elle a ceci, elle a cela. Et moi personnellement, Allah العظيم رب العرش العظيم أن يزوجكن عن قريب بإذن الله تعالى مع يعني الرجل الذي يتمناه وتتمناه كل امرأة مسلمة. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout puissant, qu'il vous marie très bientôt avec l'homme que toute femme pieuse souhaiterait se marier avec lui. Amin ya rabbal alamin. Est-ce qu'il y a une question pour une sœur? Non, c'était pour une sœur. Mes questions, tfadbal. Amen. Bon. Commence par mes questions, on va au Abdallah. Salam alaikum. Pour faire l'invocation de protection pour un enfant, est-ce que l'on doit dire Waïd ou Bikalimat comme sa tête ou uniquement la dire en mettant la niya que c'est pour tel enfant? Tu mets ta main, tu fais le doigt. C'est comme quelqu'un qui a un mal, par exemple, on met sa main sur le mal. Si un enfant a un mal, tu mets ta main sur l'endroit où il a mal et tu dis أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحذر خمسة ست فوا إن شاء الله تعالى. ليلة 89. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Ma question la suivante. Sur quoi sera basé le jugement des personnes à qui les livres ne sont pas parvenus? بارك الله فيك. نعم, ma soeur, à cette question j'ai répondu hier et il y a 15 jours. Celui-là qui n'a pas reçu le livre, Allah Azza wa Jal lui enverra un prophète le jour du jugement dernier, comme dans le hadith sahih qu'a authentifié Sheikh Al-Albani. Il y a quatre personnes qui, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal. Wallah, question pour une sœur. Inch'Allah, à 15 ans, on arrête. Il est maintenant presque 10. Excusez-moi, le doigt concerne la protection et non la douleur. Dois-je tout de même poser ma main sur son front, sa tête? Excuse-moi d'insister, mais je n'ai pas bien compris la réponse. Non, moi je reprends, Inch'Allah, ta question qui était en haut. Je reprends ta question. Pour un enfant, est-ce qu'on doit dire Ou'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli 'aynin lamma wa min kulli shaytan? Non, j'ai compris le doigt. Ou'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytan wa hamma wa min kulli 'aynin lamma. En posant notre main sur le front, la tête. Non. On met en niya, c'est pour l'enfant. L'enfant Adam, quand tu lui dis cela, il faut qu'il soit devant toi. Il faut qu'il soit devant toi. Et si tu mets ta main, Inch'Allah Ta'ala, c'est mieux. Si tu mets ta main, Inch'Allah Ta'ala, c'est mieux. Si tu ne mets pas, ça peut se faire. Mais il faut qu'il soit devant toi. C'est pas un doigt à celui-là. Et lui, il est loin. Et toi, tu dis ceci. Tu t'adresses à lui. Il lui dit, Ou'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytan. Donc, tu t'adresses à lui. Ou peut-être, et c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, que tu mettes aussi ta main, par exemple, sur son front, ou là, sur sa poitrine, et que tu dises ce doua, Inch'Allah Ta'ala. Il est permis, bi'idhnillah Ta'ala. Il n'y a rien en ce sens qui dise que cela ne se fait pas. Wallahu Ta'ala a'lam. فيك بارك الله. نعم. أم عبد الله زنجبيلة يا rien pour les soeurs. Vous pouvez mettre dans le poste que chaque femme demande qui vous êtes et comme vous connaissez. Non, justement, j'allais le mettre sur le blog. Est-ce que Abu Lakhri est là? Abu Mohamed Hadak, est-ce qu'il est là? Abu Mohamed, est-ce qu'il est là? Il est sorti. Bon, ça ne fait rien. Moi, je demande à quelqu'un dans la salle, qui connaît bien l'arabe et le français, qui connaît bien Yanni là. Un bon niveau en français, en arabe, il me donne son adresse. Moi, je vais lui envoyer une feuille écrite en arabe, qui est ma biographie, en arabe, et lui, il me la traduit en français et il me l'envoie pour que je la mette dans le blog. Moi, je lui donne ma biographie, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai un élève qui a fait ma biographie en arabe. Ensuite, lui, il me la traduit en français, Inch'Allah ta'ala, il me la renvoie. Barakallahu fikoum. Oum Shouraïf de Hadi. C'est pour te demander si tu peux relancer ma question concernant le fait de couper les cheveux pour un bébé. Naam, pour le bébé, j'ai demandé. Pour le bébé, j'ai demandé. On m'a dit que seulement le garçon, pas la fille. Car dans le hadith, il est dit roulem. C'est un garçon, on lui coupe, on lui rase les cheveux. On m'a dit que c'était pas la fille. Et moi, ça j'ai demandé, on m'a répondu. Mais c'est comme j'ai dit comme ça, j'ai dit que je crois que c'est seulement le garçon. Mais malgré cela, je vais encore, Inch'Allah ta'ala, chercher. J'ai déjà demandé avant-hier, on m'a répondu. Mais je vais chercher encore. Barakallahu fik. Mimonte 33, tfadal. Salam alaikum. Mon père a refusé de me marier à un homme pieux à cause de son origine. Je sais que j'ai le droit de demander à un juge de me marier si mon père recommence, mais en France, il n'y en a pas. Comment faire si un homme pieux me demande en mariage? Non. Tu dois beaucoup parler à ta mère. Tu dois beaucoup parler à ta mère. Car je sais que ta mère pourra influencer sur ton père. Il faut que tu lui parles que, il est d'accord avec moi. Fast. Donc vous devez parler à votre père pour lui dire et lui montrer que l'essentiel c'est pas l'origine. L'essentiel c'est de vivre avec quelqu'un de pieux. Quand quelqu'un est pieux, il m'intéresse pas d'où est son origine. Mais si ton père peut te trouver quelqu'un de l'origine qu'il veut, lui, mais avec un pieu, accepte. Non. Non. Essayez seulement de le convaincre que tu n'es pas contre toi à l'origine. Non, allez, l'origine, il veut par exemple l'origine kabyle ou la berbère ou la je ne sais pas quoi. Ça ne fait rien, qu'il rapporte cette origine. Mais il faut qu'il soit pieux. Car là, tu ne dois pas descendre de cette condition. Tu dois demander, il faut qu'il soit pieux, je ne me marie pas avec une bête. Je ne me marie pas avec quelqu'un qui boit de l'alcool, avec quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui ne fait pas la prière, quelqu'un qui fait le haram. Je me marie avec quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, quand il est pieux, je suis sûr que quand il ne fait pas des choses, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause d'Allah. Car s'il a peur seulement de moi, dès que je suis chez ma mère, je ne sais pas ce qu'il va faire dans l'appartement. Mais quand il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il est, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le voir, donc il a peur. C'est ça la différence entre un pieux et un autre. Et le pieux, quand il aime une femme, il la gâte. Quand il ne l'aime pas, il ne la laisse pas. Là, il va les mourir. S'il l'aime, alhamdoulilah, il va la gâter. S'il ne l'aime pas, alhamdoulilah, il ne va pas lui faire des problèmes, etc. Il va la frapper, c'est parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, je te donne conseil de patienter et de faire les doigts et de demander à Allah de t'aider et qu'il t'ouvre cette porte et que tu ne te maries pas avec quelqu'un qui n'est pas pieux parce que tu vas vivre l'enfer ici, l'enfer sur cette terre. Et en fait, mon père ne croit pas qu'il existe des gens pieux. Je sais, puisqu'il n'existe pas des gens pieux, alors qu'il te laisse choisir entre deux gens qui ne sont pas pieux. Lui, il va te ramener quelqu'un qui n'est pas pieux, et toi, tu veux quelqu'un qui n'est pas pieux. Au moins, donc, il te laisse choisir, puisque t'as pas de pieux. Alors, au moins, laisse-moi choisir celui qui me plaît et qui n'est pas pieux. C'est mieux que tu me ramènes, toi, quelqu'un qui, en même temps, n'est pas pieux, en même temps, il me plaît pas. Donc, tu dois, Inch'Allah ta'ala, t'aider, demander à ta famille de t'aider, demander à tes oncles, demander aux gens qui ont de l'influence sur lui. Tu demandes aux gens qui ont de l'influence sur lui de lui parler. Il vient et il lui parle, et tu fais un peu de machette à la maison, tu fais un peu de problème à la maison, jusqu'à ce qu'ils disent, alas, maintenant elle veut se marier, elle est libre, elle ne me parle plus après, etc. Et tu te maries, Inch'Allah ta'ala, Wallahu ta'ala alam. Musulmane, tafadhal, musulmane. Musulmane belle depuis de etc. Mon dernier, j'étais malade, j'ai donc pas jeûné le mois de Ramadan, sous conseil de mon docteur. Et donc j'ai commencé à remettre mes jours, je me sentais mal, très faible. Et même maintenant, ça va un peu mieux. Et qu'en est-il du rattrapage du jeûne? Dois-je rattraper ou nourrir un pauvre qui a encore quelquefois des moments où je suis faible? Hafizatallah. Voilà, akhir. Naam. Ma soeur, Inch'Allah ta'ala, quand une femme ou un homme, même un homme ou une femme, a ce qu'on appelle des dettes de Ramadan, Naam, quand quelqu'un a, Naam, j'étais enceinte, que tu étais enceinte, quand tu as fait l'akhor, quand tu avais des dettes, réponds-moi ma soeur, est-ce que tu étais enceinte quand tu avais des dettes? C'est-à-dire quand tu, pendant le Ramadan, tu étais enceinte, c'est ça? Naam. Quand une femme, pendant le Ramadan, est enceinte, et qu'elle sait, et qu'elle a peur que si elle jeûne, elle va ou bien avoir mal, naam. Voilà ce que je veux dire. Alors, écoute-moi, Barakallahu, quand une femme est enceinte pendant le Ramadan, c'est pour ça qu'on va commencer, Inch'Allah, après-demain, on va commencer des choses, des règles du Ramadan, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les choses. Quand une femme est enceinte pendant le Ramadan, et qu'elle a peur, ou bien de se faire mal si elle mange pas, ou bien de faire mal au bébé, l'une des choses. Ou bien elle a peur de se faire mal à elle, ou bien elle a peur de se faire mal au bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange, et lorsque le Ramadan se termine, c'est pas la peine qu'elle rattrape. Mais à chaque jour où elle a mangé, elle fait manger quelqu'un. À chaque jour où elle a mangé, elle fait manger quelqu'un. Puisque maintenant tu me dis que tu étais enceinte, à une des, c'est ça, ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah, et le muhaqqiqoun. Et Abdullah ibn Abbas, dans le sahih, hadith sahih al-Bukhari. À une des deux conditions. C'est pas n'importe quelle femme qui est enceinte, mais celle qui est enceinte et qui a peur, ou bien pour elle, ou elle a peur, ou bien pour son bébé. Elle sent qu'elle est faible, etc. Elle a peur. Celle-là, si elle mange, elle ne rattrape pas, elle donne seulement à manger après que le Ramadan se termine. Et Mabrouk Alif, les deux jumeaux. Allah subhanahu wa ta'ala yahfadahum, yahfadahum wa inja'alahuma min ulama al-muslimin. Naam. Amin. Barakallahu fik. Le temps est terminé, inshallah ta'ala. On a dépassé déjà l'heure. Amin. Barakallahu fik. Le temps est terminé. Mystérie, votre main pour la biographie. Voilà, je vais copier sur mon site. Copier. Inch'Allah ta'ala, on se rencontrera vendredi. Demain, Inch'Allah, on va se reposer. On se rencontrera vendredi, ou bien pour la Aqida, ou bien pour commencer le siyam. Il faut, Inch'Allah ta'ala, il faut qu'on termine ce qui a un rapport avec le Ramadan pendant ce mois, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله بارك الله فيك انت ايضا جزاكم الله خيرا جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته